chantant tous en chœur, Alléluia, le fils de l'homme revient bientôt, chantant tous en chœur, le fils de l'homme revient bientôt, chantant tous en chœur, tous, Alléluia, chantons tous en cœur, Alléluia, amen, on va acclamer le Seigneur. Bien, bien, comme on est pris par le temps, on va aller continuer, donc bien, oui, à ça. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Parce que si vous avez fait venir vers toi, ça va te déranger là. Ça veut dire que d'avoir les gens qui gagnent mon mot. Voilà. On est pas? C'est bon. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Puissons-nous vraiment écouter la voix de l'Esprit. Puissons-nous vraiment écouter la voix de l'Esprit. Il ne s'agit pas de ça. Parler comme le tourner, à parler la jambe lourde, le temple là. Il ne s'agit pas de ça. Puissons-nous discerner la voix de l'Esprit dans le don. Puissons-nous vraiment discerner. On peut commencer maintenant dans la deuxième partie, après la peau. Il y a un cantique que j'aime chanter, c'est pas si vous savez chanter ça, vous. L'espérance de l'évangile est certaine. Vous savez chanter ça? Oui, l'espérance de l'évangile est certaine. C'est une promesse pour lui vraiment. C'est lui qui est lui et amen. Et que n'intervient pas un serment. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie persévérons dans le combat car nous savons que notre travail n'est pas vain la sémence porte des fruits. Oui merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde puisque Jésus son fils ressuscita des morts, rien ne pouvait arrêter nous son corps. Notre parti n'est pas sur la terre, mais au ciel, dans la ferme céleste cité. Considérons donc bien notre loi éternelle, pas pour ce qui l'a interrogé. Mon royaume n'est pas du sémant, a-t-il dit. Dans la belle confession du Fils, témoignons clairement par la vie en parole, je suis un étranger sur ce sol. Oui merci, soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus son Fils ressuscita des morts, rien ne pouvait arrêter ni son corps. Oui, nous bénissons, oh Dieu, pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton style inaugura la foi nouvelle, sois béni pour ce temps ineffable. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents, pour garder l'espérance que Dieu a donnée, d'être avec toi pour l'éternité. Merci, merci, soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde, puisque Jésus son Fils ressuscite à des morts, rien ne peut arrêter nous son corps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans la première partie, j'ai délivré la première portion du message concernant les églises de la côte de bois. Ceci veut dire que je ne suis pas responsable de cela. J'ai recevoir responsable de la telle qu'il l'a donné. Maintenant, écoutez très attentivement. Écoutez, comme la sorcellerie se trouve en plein milieu, les pasteurs ont érigé des statuettes qui travaillent avec les idoles dans le milieu chrétien, invoquant le nom du Seigneur Jésus, accomplissant le miracle pour le nom du Seigneur Jésus, mais dont le Seigneur Jésus ne les a pas établis dans ces places-là, il ne travaille pas avec son esprit. Donc le seul étranger se trouve au milieu des églises, ici, de la Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord, mon frère? Maintenant, la deuxième chose qu'il a dit, c'est l'esprit d'imprimer, de prostitution, de cupidité au milieu de l'église. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui nous appelle donc à faire? Comment on fait pour renverser la tendance? Il a dit qu'il cherchait de façon individuelle dans la repentance. Donc la dénonciation est donnée, je crois que c'est clair, le sommet de cela est donné. Ça c'est pour la réponse. Donc c'est clair, la réponse est présentée. C'est cette vertige qui amène cette chose au milieu. Parce que maintenant, on ne peut plus dire que l'on est serviteur de Dieu qui n'est pas. Vous n'avez pas la possibilité de dire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour reconnaître devant le Créateur pour qu'il vous dise? Parce que vous évoquez son nom. Parce que Dieu ne nous parle pas, nous avons érigé notre voix et notre façon maintenant de parler de Dieu. Parce que Dieu ne nous parle pas. Cultivons la relation avec lui. Cultivons la relation avec lui. Il a dit, mais prévu, entends ma voix. Vous devez l'entendre. Si Dieu nous est prévu. Vous me suivez? En tant que voix, ne consente pas seulement à être prévu. Oui, oui, vous pouvez entendre sa voix, tu as fait un message. Mais qu'est-ce qui s'adresse? Comment ça s'adresse à vous de façon individuelle? La Bible est faite, chaque personne sa Bible. Mais la personne dont vous approchez la Bible, quand vous approchez de lui, est différente. Dans Genèse, encore toi, il a dit, invoque-moi de ce que je te montre. Je te montre des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous lisons ça, nous allons vers les païens, nous mettons disons ça, ce n'est pas vrai pour nous. Vous invitez les païens à venir au milieu de vous. Ils vont venir, ils vont voir les mêmes difficultés que lui est expérimenté dans sa vie de païen. Vous avez les mêmes difficultés. Ça pose un problème. Pourtant, Jésus-Christ est la solution. N'est-ce pas? Il est la solution pour tous les maux que l'humanité puisse souffrir. C'est Jésus, notre Seigneur, qui est la solution. Et nous prêchons un Jésus humain, un Jésus historique, un Jésus qui ne fait pas les mêmes choses hier, aujourd'hui et toujours, malgré que nous citons ses versets. C'est pas vrai pour nous. Nous avons un problème. Donc, il y a un genre qui fait obstacle entre nous et le Seigneur. Donc, c'est à cela que consiste la façon de rencontrer le Seigneur et d'être en harmonie avec lui. Dégagez tout ce qui peut faire obstacle entre vous et Dieu. Ce premier problème-là va commencer en vous d'abord. Il sera question de dans le choc entre la parole et vos raisonnements. Et ce que vous avez dit à l'éduquer pendant des années, pendant des années. Si pendant des années, vous avez fait un gourou, en faisant des docteurs, après docteurs, vous devez retourner depuis là-bas, là vous avez laissé. Vous devez laisser le Seigneur juste depuis, en suivant les exemples. Vous avez laissé Jésus depuis là-bas. Et là, il faut commencer. Il faut dire, Seigneur, nous avons écouté la voix des autres croyants que tu nous avais envoyés. Maintenant, nous voulons écouter de toi. Je dis, écoutez de toi. Je resterai ici, juste du papa. Faites-le, ça sera béni pour vous et pour les autres. Quand vous allez avoir la réaction, bien étroite avec le Seigneur, bien resserré, bien clair, là, vous pouvez discerner la voix de l'ennemi. Sinon, l'ennemi est à plus de nous dans le sens. Au fur et à mesure, tu multiplies les traits dans le temps de cesse. Vous ne pouvez plus discerner. Vous ne pouvez pas regarder les yeux sans. Je veux voir si c'est le miracle au nom du Seigneur Jésus. Puisque les faux pasteurs prononcent le nom du Seigneur Jésus. Alors maintenant, si un miracle se trouve, dans ce fait là, vous pouvez dire ceci est de Dieu, ceci n'est pas de Dieu. Puisque selon nous, vous allez attendre le nom du nom de Jésus. Et aucun pasteur ne soit jamais au nom de Manuel Wata. Personne ne dit venez le dimanche, venant à la croisade, recevez le nom de Satan. Personne. Tout le monde mène les broches de 13 verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Venez lui le miracle, venez la traverser, venez le miracle. Les situations vont être bloquées, les gens viennent, ils donnent des témoignages. Mais les chrétiens qui agissent. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, il dit que vous pouvez recevoir un autre esprit. Lorsque vous prêchez un autre évangile, c'est le même que Jésus qu'on avait représenté. Est-ce qu'il a dit dans ce verset à toi? Alors, non, pourquoi avoir fait la simplicité de l'évangile? L'évangile n'est pas compliqué. Mais pour que tu l'annonces, il faut que tu aies été établi à l'annonce. Si vous n'avez pas été établi, votre rôle sera de vivre cet évangile. Vous avez moi? Voilà. Dieu n'a pas donné à tout le monde d'aller annoncer l'évangile. Si vous n'avez pas été appelé spécifique d'aller annoncer, cessez de dire des bêtises parce que vous allez vraiment être compliqué. Le Seigneur Jésus a dit qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole, même qu'ils auront sorti de leur bouche. Mesurez bien ça. mais je vais bien dire à nos enfants, j'ai fait faire ça pour vous l'envoyer dans la société. Et il devrait pas passer derrière la main là-bas. Combien de personnes ont mis la théorie devant la derrière la venue du Seigneur Jésus-Christ depuis 1992? Combien? Mais qui est l'initiateur? Il va avoir besoin qu'on va le Seigneur. Parce que la parole nous a déjà dit, on ne sait pas nous connaître cet homme. On peut avoir les six avant-coureurs, les éléments qui entourent. Il dit quand vous allez voir ces choses arriver, soyez prêts parce que vous ne pouvez pas entrer enceinte. Donc pour nous, c'est nous préparer. D'accord, frère? Donc Dieu bénisse. Si très souvent je prêche, je suis difficile, je suis dur, et mes parents, mais si je dis ça pour la parole de cette façon-ci. Parce que si on ne peut pas vous manger, ça ne sert à rien. Ça ne vous sert à rien. Chacun se réveille. Soyez vrai avec vous-même. Si vous êtes un faux croyant, Seigneur, j'ai été faux. Je me trompais moi-même, j'ai trompé les gens. Arrêtez. Demandez pardon, Seigneur. Attendez vous pour que vous fassiez ce qu'il y aura de destiné pour vous. Et commençons par amener à la place que Jésus a dit. Jésus a dit, Jésus vous a dit déjà parlé de façon directe. Si c'est non, taisez-vous. Taisez-vous. Ou bien dites le message. Voilà, je dis. Donc je ne suis pas l'auteur de cela. Dites comme ça. N'allez pas dire que Jésus m'a dit, Jésus dit ici. Ne dites pas ça. S'il n'a pas dit. Parce qu'on va rendre compte. La Bible est claire dans sa vie, dans sa parole, verset 27, il y a un grâce pour être bien, bien plus Jésus. Ni personne, c'est ni homme, la savonne, c'est au mensonge. Donc tu ne peux pas m'entrer avec le mensonge. Monsieur le frère, donc tout est au début. Maintenant, je vais avancer à la deuxième partie. Je vais parler du vêtement. Je vais parler du vêtement. Le vêtement. Mathieu, prenez le livre de Mathieu. Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 29. Donc, nous allons lire les livres de Matthieu, chapitre 29, chapitre 27. Tout ce que je vais vous dire là, vous les connaissez. Mais il faut que les esprits soient révélés comme il a révélé l'esprit de Jésus. Parce qu'en réalité, ce qui manque, c'est la direction. Ne cherchez pas un porteur de vision. Non. Ne cherchez pas un porteur de vision. Cherchez le Seigneur Jésus. Cherchez le Seigneur Jésus. Si vous cherchez, peut-être que ça va vous dire quelque chose. C'est que le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est que beaucoup de personnes, là, ils font le voir, c'est qu'ils cherchent le Seigneur pour faire le miracle pour être vus des autres. C'est-à-dire qu'ils cherchent les souhaits, les autres, les utilisent pour qu'ils accomplissent le miracle, les épaules, c'est faux. Vous voyez, c'est terrible. C'est pour cela que pour le Saint-Esprit vient d'avoir une personne sur vous, qui va t'apporter votre caractère. C'est pour cela. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Il vous moule d'abord pour que lorsque vous viendrez en vous, qu'il y ait plus de grâce dans vous. Pour que vous compreniez que ce n'est pas vous qui faites cette œuvre-là, c'est lui qui vous travaille. Pour que toute la gloire lui revienne. C'est pour ça que vous comprenez. Donc cette façon de faire, chercher Dieu, parce qu'on va aller lui, il y a quelqu'un de nous. Maintenant, ne faites pas cela. Parce que notre but, ce n'est pas de montrer au téléphone, Non, notre but, c'est de plaire au Seigneur Jésus. Vous avez moi, frère. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 25, et puis nous allons lire, selon le Saint-Esprit, nous allons lire dans votre passage. Mais c'est pas ça, tous les amis. Je pourrais me tenir ici, je vous dis seulement, c'est chose du royaume qui me demande. J'ai dit à tous les du royaume, si vous comprenez, vous devrez que c'est écrit dans les Écritures. Vous parlez de ce qui est dans la chambre de nous, dans le salon de nous, comment le problème est, à quoi ça sert de faire avec nous, toutes ces choses-là. Mais, je vais aller avec les comme par l'école. Je prends par le verset, j'explique en ouvrant dans les cieux pour vous. Ce que je fais là. Chapitre 22, tu peux lire, petit verset 5. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parapole et il dit. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, donnez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisissent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes qui périt ses meurtriers et brûla leur vie. Alors il dit à ses serviteurs, les noms sont prêts, mais les conviés n'en étaient pas tous. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noms tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noms fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu une habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir des habits de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Amen. Amen. Vous avez suivi la conclusion de ce passage-là. Vous avez suivi. Ça doit être fait par le vrai. Dans la méditation, si vous saisissez ce que le Seigneur dit, après avoir dit cette parabole, vous devez vous poser des questions sur votre christianisme, sur votre vie chrétienne. Il y a plusieurs appelés, peu de lui. Dis le Seigneur. Et nous prêchons, et vous m'avez dit ça chaque fois qu'il y a plusieurs appelés, prêtez-le. Mais méditez bien sur ce que ça dit. Méditez après, à l'issue de cette parabole que nous allons partager maintenant. Il dit qu'il y a plusieurs appelés, prêtez-le. Vous êtes à côté, prêtez-le, plusieurs appelés. Vous devez répondre à la question, la méditation, dans vous s'y situer dans votre état. Il ne dit pas ça à une autre personne. C'est que tu lui te conseilles. C'est te conseiller plus propre parce que tu es vivant. Vous devez répondre à la question, de quel côté suis-je? Maintenant, c'est par rapport à la conseil clairement. La vie chrétienne, notre hommage, la rédemption et la célébration à l'issue de la rédemption pour tous les siècles que nous attendons. N'est-ce pas, frère? Vous avez moi, vous comprenez, vous comprenez. Ok, cette parabole-là concerne principalement la célébration de la rédemption, n'est-ce pas? Ok, cette chose-là se passe où? Ça va se passer où? Au ciel. Maintenant, je vais on prend particulièrement un nom. Cet homme se trouve là-bas sans le vêtement. Je vous parle avec moi, parce que c'est pourquoi le Seigneur est venu. Le Seigneur Jésus est venu pour nous donner le vêtement des noces. Je vais vous assurer d'avance, d'avance. Il dit, le Seigneur Jésus est venu pour nous donner ce vêtement des noces. Il dit, bon, voyons, on a maintenant en plein, dans la vie. Alors, il dit, les noces sont prêtes, mais les convives n'en sont pas dits. Jésus dit, ok, le roi dit, allez dans les rues, le coin de rue. Prêtez ces choses dans les rues, tout le monde entre la sasse-prête, n'est-ce pas? Donc, la voix sort pour appeler. La voix sort pour appeler. Les gens viennent à l'issue d'entendre de cette voix. Et à l'issue d'entendre de cette voix, les gens sont censés recevoir des vêtements. N'est-ce pas? Cette personne, je m'en attention, dans cette parabole, il n'est pas dit que celui qui est dans la salle a fait le bien pour le mal. N'est-ce pas, frère? Il est dit, quand tu vas aller dans les rues, prenez pauvre et méchant. Donc à l'intérieur, on n'était pas à cause de la méchanceté ou à cause de la bonté. À cause de la grâce souveraine. N'est-ce pas, frère? Ça pose donc un problème. Ça te pose un problème, frère. Si c'est par la grâce souveraine, comment cette personne n'a pas pu avoir le vêtement? Il est dit, vous devez répondre à cette question. Mais maintenant, la personne qui n'est pas resté dedans pour se libérer. On l'a mis à nous faire. Dehors. Le Seigneur Jésus ne veut pas dire aux gens qui vont entendre le roi de Dieu. Et là-bas, il va faire les inscriptions. Puis il va dire, ah, ok, on sera pas. Oh, oh, à l'enfer. C'est pas ça qu'il a dit de dire. Il a dit, mais même la censure, la non-étoyauté. On peut se dire, n'est-ce pas? Ah, mais ça n'existe pas, j'ai fait là aujourd'hui. Sur le fait que vous devez être nettoyé pour être là-dedans. Et il a dit que la condition c'est le vêtement. Voyez, tout à l'heure, dans la première partie, j'ai cité à partir du 19, verset 16. Il dit son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir. Mais il y a encore comme la Bible, vous ne savez pas la Bible. La Bible ne dit pas que son épouse a porté de ses vêtements. Non, non, vous n'avez pas les vêtements pour acheter. On doit vous donner. Voyez, il lui a été donné de se revêtir. De faire l'un éclatant brûle. Donc ça va lui être donné. Mais ça se donne par grâce, pas le moyen de la foi. La question c'est comment cette personne qui transite dans sa vie, modèle, et que la voix l'a appelé. Comment il a rempli le vêtement? Pourtant, la voix n'est pas grâce. Comment? Et déjà, c'est quoi ce vêtement? Qui c'est ce vêtement? Qui est ici? Je peux rentrer. Vous m'avez dit de me comprendre le prix, non? Comment les œuvres du Saint se manifestent mieux? Comment viennent les œuvres du Saint faire la vie de quelqu'un? Parce que nous avons compris que ce n'est pas le fait que c'est fait le bien ou le mal qui se retrouve là-dedans, mais d'après aller retrouver les méchants et les bons. Il y a un vêtement qui leur a apporté. C'est vêtement après vêtement de la justice. Voyez, pour montrer que le sang de Jésus a parlé aussi pour vous. Ça a été appliqué avant vous. Dans la sainteté. N'est-ce pas vrai? Ça veut dire que les péchés lui sont reprochés. Ça veut dire que celui-là, ses péchés sont redémunis. Qu'a-t-il fait pour être disqualifié? Vous devez poser le problème. Mais je pense que ça va vous dire un message par rapport à la Bible. Vous avez un message là dessus, frère. Quand vous voyez ces choses-là, posez la question à cet homme, mon ami, comment es-tu entré ici? Le roi de l'Esprit. Comment vous entendez-vous? Comment tu peux appeler le nom du Seigneur Jésus-Christ en vivant dans l'humilité? Comment? Quiconque prononce son nom, il s'éloigne de l'humilité. Et toi, tu te mets pas d'humilité. Tu dis, moi, je ne trouve pas que ça, c'est le péché. Le standard n'est pas à notre niveau. C'est lui qui élève le standard. Il dit, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Dégagez pas le péché. Négagez-le pas le péché. Recherchez la paix. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous ne posons pas la question. Suis-je en paix avec les uns les autres? Il dit sans la paix. Deuxième condition, la sanctification. N'oubliez pas le Seigneur. N'espérez pas nous voir. Nous sommes en tout au-delà. En lui au-delà. Souligné dans nos consciences. Et nous invoquons le nom du Seigneur Jésus. Donc il faut le vêtement de la justice. Vous avez frère? Il faut le vêtement de la justice. Lorsque ce vêtement de la justice est là, le Saint-Esprit souffle sur vous. Vous scellez vos cœurs pour la rédemption. Écoutez maintenant l'apôtre Paul. Il dit après de lui présenter cette église sans tâche ni ride. Après, il présente cette église là, sans tâche ni ride. Ni rien de semblable. Il présente ça comment? Après l'avoir purifié. Après l'avoir purifié. C'est après la purification que vous pouvez présenter au Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous êtes ici. Donc, il est nécessaire que chacun regarde son style de vêtements de propre. Il est nécessaire. Reconsidérez vos vies maintenant. Reconsidérez-vous. Reconsidérez si vous avez vu selon la tradition des hommes, mais selon la volonté du Seigneur. Si vous êtes appelé par la grâce, continuez dans la grâce. Cette grâce nous enseigne à fuir les modernités, à fuir les choses de ce monde-ci. Mais les chrétiens sont dans le corps de Christ, entre guillemets, disant qu'ils sont dans la grâce, ils vivent selon la chair. Et la Bible dit que la grâce a ses enseignements à elle. La grâce a ses enseignements. Elle nous enseigne à fuir la mondanité, les impurités. La grâce nous enseigne à fuir. Nous nous vivons à l'aide de la grâce, non. C'est la chair qui va être détruite. De toute façon, la chair va être détruite. La chair va être détruite. La chair, ce n'est pas elle qui promet le péché, c'est votre âme qui est le problème. Votre âme doit être détruite. Si votre âme est en repos, posez-vous des questions. Comment j'ai encore cette interruption sexuelle? Toute cette pression-là à moi. Parce que l'âme n'est pas régénérée. Ce n'est pas la chercher, c'est la résultat de ce qui la pression qui se met sur votre âme qui se résout à l'intérieur. Donc ce n'est pas la chair. Oui. Un pierre. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 2. D'une après verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Merci. Vous avez ce que la prophétie a dit. Il dit bien-aimés, ça c'est au croyant. Bien-aimés. Et les chrétiens des jours de l'époque, vous sommes déjà de la prophétie. La prophétie. Il dit, je vous exhorte comme voyageurs, sachant que vous êtes passagers sur la terre. Abstenez-vous aux convoitises charnelles qui font la guerre à qui? Là, votre âme est le problème. peut donner un homme en échange de son âme. Venez à moi, tout ce qui est fatigué, échangez-vous, donnez-le le feu pour vous pouvoir. Votre, c'est l'âme qui est le problème. Donc la source de vos difficultés, c'est toujours dans l'âme. N'essayez pas de cajoler le péché. Ça ne va pas aller de la solution. Allez devant le Seigneur, délivre-moi. Puis il n'a pas de me délivrer de ce corps de mort. Juste à ce que vous compreniez maintenant, il n'y a plus de problème maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pour ceux qui ne marchent pas après la chair, mais selon l'esprit. C'est pour ceux-là qu'on n'a pas la condamnation. Mais si vous marchez après la chair, il y a la condamnation pour vous. Malgré que vous allez citer la Bible en disant, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature dans ce cas, comment faire encore une connotation? La nouvelle création vit la connotation. Et la Bible est peut-être mieux plus vivante. La connotation va être le royaume. Pour les autres, le père et son frère. Il faut le père. Sinon, ce jour-là, il va dire, je ne te connais pas, papa. Souvenez-vous, ça ne consiste pas à connaître les versets, mais même en connaissant, c'est qu'il s'en est dit. Même en connaissant, c'est l'enlèvement à rire. Même en connaissant, on comprend que Jésus, il y a des choses à venir. Il y a des enlèvements pour le Jésus, et ainsi de suite. En connaissant toutes ces choses, ça ne veut pas que tu ne parles pas avec lui. Même si tu as dit le jour de l'enlèvement, ça t'est révélé de l'enlèvement, c'est tel que tu as exact. Absolument, ça ne fait pas que tu parles là-bas. Parce que ce n'est pas connaissance dans l'élément que j'enlève dans l'élément. Il y a des écrits dans la parole pour amener dans l'élément. Vous comprenez cela? Voilà. La Bible est en train de chapitre 5 que n'agissez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous s'attaquez, c'est le pour le jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit, c'est le pour nous amener à vous, à la rédemption. Donc sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas. Matthieu 25, c'est dans le deuxième passage. Donc il faut que l'église soit nettoyée. S'il n'y a pas cette purification, là, il ne va pas le révéler. Ce n'est pas possible. Vous allez continuer à tomber dans la raison. Condamner les aides, condamner les autres, condamner les aides, envoyer la flèche. Donc le temps qu'on fait, on va lui faire des aides sur les autres. On va passer le temps à envoyer une flèche sur les autres pour vivre. Sur la voyons devant le Seigneur dans la repentance. Même si ça prend 2 ans, 3 ans, 15 ans, ça sera nécessaire pour vous. Pour que vous sachiez à quel moment vous pouvez et comment vous êtes devant le Seigneur. Regardez le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vous regarde, comme vous lui dites, il veut vous regarder. Vous me suivez, frère? Restez devant lui. Ne faites pas figure devant les gens, j'en suis très prêt, mais alors qu'en fin, vous savez que vous souffrez par derrière. Ça vous sert d'aucune utilité. Vous vivez droit devant le Seigneur, c'est pour vous. Vous vivez mal, c'est pour vous. Vous trompez les gens, c'est pour vous. Verset 1 ici. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient forts et 6 sages. Les forts, en prenant leur lampe, ne pouvaient plus vivre avec elles. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on pria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les forts dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car leur lampe s'éteint. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Amen. Terrible encore. Écoutez, vous avez encore pour voir. Vous êtes champion depuis de longues nuits. Là, sur la terre, vous êtes champion. Passez le temps de prier la nuit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça, je vais parler. Je vais parler de la prière de longues nuits. D'accord? Je vais parler de qui prie mieux la nuit que les autres prient. C'est pas ça que je vais parler. C'est le message de Dieu. La Bible est écrite pour que tu aies esprit de Dieu pour vous corriger ensemble. D'accord? C'est l'écriture de Dieu. Je vais m'examiner verset après verset, passage après passage, c'est que la Bible nous dit. Je vais nous poser des questions. On va répondre et au lieu à l'issue de cela, nous serons éclairés si ce qui nous attend, ce que nous sommes censés faire, ce qu'il ne peut pas faire. D'accord? Combien de vers y a-t-il? Il y en a 10. Moitié, ne pas dire qu'il y aura une fois quantité qui sera comme ça à l'égalité. Je ne sais pas si la Bible a dit. 500 comment? 500 sages. Maintenant, lui pose la question sur ce qui est sage. Pourquoi la Bible appelle les 500 autres sages? Pourquoi? Quand ça passe ça. Parce que la Bible est bien. C'est bien. C'est d'abord la première chose. Oui, non? Parce que elles se sont préparées. Maintenant, est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? N'est-ce pas? Il y a plusieurs gens qui sont ici dans ce matin 27. le mot fondamental, c'est que toutes les vierges soient folles, soient sages, soient vierges d'abord. Nous sommes d'accord, on parle des églises, n'est-ce pas? Vierges, parce qu'elles ont reçu la parole, n'est-ce pas? Ça veut dire la parole des âmes. Donc, vous voyez, pourquoi est-ce que je parle de ça? Connaissez la parole, ça ne sert absolument à rien. Ce n'est que le début. Il faut avoir ça. Il faut que la parole arrive au niveau où ça amène l'esprit. Parce que la parole, ça sert à être l'esprit. Il dit, pas vrai, si ce n'est pas l'esprit, ça reste l'air pour moi. On est encore dans la loi, assis dans la chaise de Moïse. Il faut que l'esprit prenne la parole et point pour vous. Si ce n'est pas comme ça, vous allez faire, vous allez trouver la farine sans s'enlever. Ça ne marchera pas. Alors, écoutez tout attentivement. On dit, le royaume est semblable à 10 vierges qui attendaient bien. L'époux. On dit, comme l'époux tardait à venir, tout s'en suffit. Donc, la Bible dit, elle est sage, elle est folle, se sont endormis. Donc, la prophétie divine fait que, si ce n'est pas la grâce d'une personne, c'est la personne à faire. Mais la Bible dit, comme tout s'en suffit, le problème, ce n'est pas l'assouplissement. Le problème, c'est que la Bible nous a dit de Saint-Lucien, soit que nous veillons, soit que nous dormons, soit que nous appartenons au Seigneur. Ça veut dire que l'enlèvement va avoir lieu. Certaines personnes dans la société seront en train de dormir. Vous voyez, certaines personnes seront en train de dormir. Certaines personnes seront dans l'enfermité, dans le globe. Alors nous sommes en train de voir maintenant un jour, en chiche, il fait nuit là-bas. Donc si l'enlèvement a lieu maintenant, la personne qui est en chiche sera prête. Tu peux penser lui. Parce qu'il a dit, deux seront sur le lit, donc c'est en condition de sommeil. L'un sera pris, l'autre laissé. L'un sera dans le champ, pendant, dans le champ, en jour, à ce même moment, se trouve déjà dans le lit. Vous trouvez vrai? Alors, ça veut dire qu'on ne veille pas maintenant dans le monde comme ça. C'est pas comme ça qu'on va nous voir les yeux. Ça va te supprimer, ça va te dire que tes yeux sont ouverts. Quand tu vas fermer, on se n'est pas comme ça, on va te encore, c'est passé. C'est pas comme ça qu'on veille, d'accord? Maintenant, on nous sait que t'es sage, sait que t'es fort. Maintenant, comment le tardé à venir là, tout ça s'appuie. Mais au milieu de la nuit, je ne parle pas de prier, mais au milieu de la nuit, une fois qu'il y a, voici le bout. C'est le moment d'entrer. C'est le moment d'entrer. Vous avez persévérer. Vous avez persévérer. Parce qu'il avait dit que ça va venir. C'est ce propre moment. Voyez promptement. Beaucoup subitement. Personne n'a une surprise générale. Promptement. Vous voyez, c'est comme chez les militaires. C'est l'ordre de ces. C'est au prix du commandement. C'est celui qui a le cordon de la troupe. Il doit réagir instantanément à l'issue de ces crimes-là. D'accord? Alors on dit, voici le tout, allez, à sa rencontre. Maintenant, si vous ne connaissez pas la conclusion, comment aller à sa rencontre? À cette question-là, c'est là que tu prêtes. Vous voyez donc, c'est là que vous vous préparez avant qu'on s'écrit là, n'est-ce pas? Maintenant, là, je fais une approche pour maintenant sur le plus de minuit. De tout que vous priez là maintenant, vous êtes préparés. Et puis le cri a retenti, si vous êtes préparé, n'est-ce pas la conclusion? Ça ne met pas à vous. N'est-ce pas la conclusion que ça nous a donné? On a un peu crié de Dieu. Est-ce que vous êtes préparé pour ma gueule? Parce que la annonce qu'on a. N'est-ce pas? Voici le coup. Allez à sa rencontre. On dit ce cri-là a réveillé. N'est-ce pas, frère? Ce cri a réveillé. Non seulement les sages, mais aussi les forts. Donc, et les sages, les sont réveillés à l'issue du cri. Donc Dieu prépare une parole sur laquelle il va bouleverser l'église. N'est-ce pas, frère? Je vais encore me faire comprendre. Je ne suis pas de prêcher la doctrine qui est faite. Nous avons vu juste de parler selon ce qui est maintenant. Donc, si vous avez vu à la lumière d'une brochure, je m'en excuse. D'accord, frère? Mais je vais dire que c'est pas ça. Alors, une parole va venir sur la terre pour réveiller les églises. Je vais dire que c'est pas ça. Ce qui est écrit là-bas. Une voix va venir sur le palais, ça va être tout se réveiller. Tout se réveiller. Et les sages, et les forts. Alors, les sages se sont réveillés. Elles étaient prêtes. N'est-ce pas, frère? Vous savez moi, c'est comment là? C'est où? C'est à lui, non? Merci. Donc, lorsque le prix a eu lieu, lorsque le prix a rétenti, la Bible déclare que tout s'est réveillé. Vous vous rendez là que tout sont réveillés. Maintenant, qui sont les pauvres sur le plan physique, sur le plan universel ici? Quels sont ce qu'on appelle les vieilles choses physiques? Qu'est-ce que vous pouvez qualifier sur la tête des vieilles? Vous comprenez, frère? Je vous pose la question, qui est-ce qu'on peut considérer comme vierge pour la parole après qui vierge sort? C'est qui? C'est qui? Ceux qui sont privés de l'esprit. Ok. Maintenant, vous savez que tout le monde sur la terre, après le nom de Seigneur Jésus, après le nom de Dieu, c'est la preuve après nous. Pas vrai? Pendant que vous allez à la salle de prière, d'autres vous allez rentrer. Après, l'autre jour, il regarde la Bible, il ne te salue même pas en tant que son frère. Vous ne vous saluez même pas. Le balbutiement, le catholique, il est perdu. Pendant que le catholique, c'est le rêve de l'homme. Le premier jour, je m'appelle ce Seigneur du malheur. Ils sont en train de dire que la chrétienté est pour lui. Pas vrai? Alors, je pose la question, qui est bien fort, qui est bien sage? Bien fort, bien sage, parmi ces deux groupes, des gens qui appellent le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais qui, d'autres n'ont pas les conditions dont l'autre se trouve, n'est-ce pas? Maintenant, regardez très rapidement. Quand les poussins, tout le monde prie les larmes, n'est-ce pas? Mais le problème, c'était les larmes des uns et des autres, c'était éteint, n'est-ce pas? Alors, quand même, la larme était restée quoi? Allumée. La larme, c'est quoi, frère? Dans la Bible. La parole. Dans la parole. Pourquoi la parole n'avait pas été éteinte? Elle n'était pas restée l'un des morts pour les âges. À cause de lui. Et lui, la terre, vous devez lui poser des questions, frère. Posez-vous des questions. Si vous lisez ça chaque fois, vous pouvez dire aujourd'hui, le prénom a dit, celui-ci a dit, et donc, on a dit, celui-ci a dit, posez-vous des questions. Et vous, qu'est-ce que vous en dites de vous-même par rapport à ça? Vous connaissez que c'est la parole. Vous connaissez que la parole, c'est la lame. Et que la lame est censée être éteinte, il n'y a pas nul. Vous posez pas une question, frère? Ça vous pose pas une question? Vous devez poser une question. Madame a-t-elle lu la parole qui accompagne l'esprit? Posez une question. Si vous en êtes pour le propre nom, vous appartenez automatiquement aux catégories de vierges fortes. Même si vous prêchez cela. Nous avons le problème de temps, frère. Donc, il faut le réveil. Il faut le réveil. Il faut le réveil personnel. Pas le mouvement. Non. Il faut le réveil personnel. Réveillez-vous. Préparez-vous. Le Messie à la porte. Préparez-vous. On se lève pas pour pouvoir aller à la porte et mettre mon œuvre. C'est votre père qui doit être purifié. Il faut que ces choses sortent. Alors, on a prié. Rassemblez-vous. Allez à sa rencontre. Toutes sont prises là. Les pauvres ont remarqué que la parole parle de péché. Ils vont prêcher dans les moments. Prêcher les choses générales de l'eau, mais sans l'accompagnement de l'Esprit. Maintenant, regardez très attentivement. Pour que vous voyez là, le niveau nous situons dans le Saint-Esprit. Ils sont venus vers le sage pour dire donnez-nous un peu de votre vie. Nous voulons un peu voir comment vous faites pour manifester le Saint-Esprit. Ah, ils ont dit, on n'a pas le temps d'apprendre encore ces choses-là au chat. Allez au sage, ceux qui en bas. Donc, si vous aimez les miracles, vous aimez avoir l'esprit, allez chez les barabou. Et nous sommes en donc, la Bible dit, qu'au moment de la venue du Seigneur Jésus-Christ, les gens qui ont la parole sans vie vont aller acheter l'esprit chez les barabou. Nous sommes en plein la Bible. Vous poursuivez. Allez acheter ces ceux qui en bas. Ils cherchent quoi? Il cherche quoi? Il cherche lui. Et on lui dit, allez acheter. Or, ceux qui sont prêts avaient acheté gratuitement, dit Jésus. Parce qu'il leur avait enseigné, venez, on a vu ça aujourd'hui dans les années 57, venez acheter de moi de l'eau gratuitement. Ils ont eu le temps de le faire. Et le temps de le faire, ça veut dire que quand vous avez cette chose-là, cette fille-là, que vous pourrez même ne donner pas la voix, vous ne devez pas attirer. Donc, la condition, si nous voulons être prêts, c'est avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Nous l'avons été, vous avez le baptême, si vous en avez vu. Donc, on va voir, c'est à quoi vous pouvez vous attendre à faire. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous oubliez tout ce que vous faites là, parce que ça ne vous servira à rien de développer tout le monde. C'est sur ça que vous serez des scandales. C'est pour ça que vous comprenez. Alors, les gens ne sont pas entrés à cause de lui. Lui, lui leur a été donné. On prie là pour qu'il puisse être dans la table de la vie du Seigneur. Ce n'est pas vraiment dans le temps qu'on donne lui. On donne lui pour être préparé. Parce que la Bible déclare donc que ce ne sont pas seulement les vieux qui seront vivants. La parole a dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, voyez, c'est un mystère. Parce que notre personne a attendu pendant des siècles et n'ont pas pu se faire. Pour coucher dans la mort, le sommeil là, pour faire vivant, ça ne change rien par rapport à l'argument. C'est que le Saint-Esprit vous a donné. Enfin, vous ne mourrez plus jamais. Vous voyez ça? Donc il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Sinon, en fait, nous pouvons en plein là-dedans, les pasteurs vont acheter lui. Ils vont acheter l'esprit privé de miracles. Et ils corrompent même les vrais enfants du Seigneur. Il y a des qui disent pourquoi tous les meilleurs qui viennent de ta mère. On a même là-bas, ça va le Saint-Papa. Il commence à prendre vous avez l'esprit Saint-Papa. Donc c'est là pour chasser dans les habits, pas de propre avaler. Vous avez mon frère, en priant pour signe pour aller à sa rencontre, tout se réveiller et puis les larmes. Les faux dit au sac, dévote-le. Parce que notre lame que c'était, il n'y a pas de manifestation chez nous. Vous voyez? Parce que nous n'avons pas compris que chez nous, il y a l'esprit. Comment faire pour avoir cet esprit-là? Okay, donc, vous allez voir, allez faire l'étude théologique ici. Allez voir les paroles. La Bible déclare, remarquez très attentivement. On dit comment? Malgré que la venue de Jésus sera proche, les gens vont détourner des prises de la voie, c'est pour aller chercher les autres pour voir, pour avoir l'esprit. Il dit que pendant 15 ans, il y a l'air. On doit chercher la voie de l'esprit chez les marabouts, frère. On doit aller acheter ça en dehors du Seigneur Jésus. On dit pendant 15 ans, il y a l'air. Donc il y a des gens, comment pas chercher ça pour préparer à la maman, qui sera de faire quelque chose pour dire à la volonté du Seigneur. Qui est vrai sage, qui est vrai jeune homme, vous devez répondre à la question pour vous. Et quel homme vous voulez, parce que si vous êtes de l'église, vous avez prié le nom de Jésus, vous devez la jeune homme. La réalité, c'est vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, à Satan et à Dieu. Satan vous connaît. Vous vous connaissez et vous connaissez mieux et mieux que Satan. Et c'est le jour où il y a l'enlèvement que tu vas chercher la chambre, la chambre est cachée dans un champ, c'est là que l'esprit pourrait vous laisser, qui va te lever, c'est avec moi qui était. Commencer à fonder les prophéties. Il n'y aura plus nulle part à se cacher sur la terre. Tout le monde, vous savez ce que c'est. Qu'après ça, le moment de jugement et de quatre personnes sur l'église, sur la terre. Alors il ne peut pas, il n'y a pas de ralenti. Il n'y a pas de. La Bible déclare la suite plus tard. Ils ont venu dire au Seigneur, vous dites, je le sais, vous êtes. Parce qu'ils ont intégré sur la terre, Seigneur, on ne peut pas maintenant, on est mal parlé, le temps est préparé. Non, le temps est terminé. Et sur le coup, c'est le Seigneur qui ferme la mort. Donc quand il ferme la porte, quand il ferme la personne, c'est pas ouvrir. Il n'y a pas de prise. Ton intercession, c'est terminé. Donc pendant tout le temps, ta chambre est le tout. Pendant que c'est pour vous, cherchons le tout. D'accord, frère? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord avec moi non plus, parce que c'est l'écriture. Alors maintenant, souvenez-vous de ceci. Avant que l'équipe ici pour rentrer dans mon pays, je vais allumer le feu sur vous. Vous ne pouvez pas rester à la tête, au nom du Seigneur Jésus. Vous ne serez plus même. Avant que vous ayez écouté cette voix, vous ne serez plus même. Amen. J'ai dit, quand vous avez écouté cette voix par là, vous ne serez plus même. Votre vie spirituelle commence la révolution maintenant. Amen. Donc écoutez cela attentivement. Ça veut dire que nous allons nous rencontrer. Donc, préparez-vous. Si vous n'avez pas eu à jeûner, nous allons jeûner ensemble. Prenez 3 jours de jeûne, de saint plus. Prenez 3 jours de spécial à repentance pour le Seigneur. Demandez au Seigneur de vous pardonner tous les mensonges. Les choses que vous avez dit de votre corps pour libérer à l'activité, toutes ces choses. Demandez au pardon pour vous purifier. En moi, c'est le lit, ça ne doit pas prier. D'accord, frère? Oui. Bah, on arrive au siècle où la nuit, du flac de même. Frère, j'ai une nuit, des 6 heures à 6 heures, là, moi, je ne pas de 3 jours sans manger, sans boire, sans faire une seule parole. Donc, nous sommes samedi. Vendredi, jeudi, donc jeudi matin, quand vous réveillez, vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas jouer à ce samedi à l'été. D'accord, frère? Comment vous regardez votre voisin? Vous avez fait ça ici? Ok. Donc, faisons ça maintenant ensemble. Chacun pour sa part, jeudi, vendredi, restez dans la prière. Arrêtez de lever le WhatsApp. Arrêtez. Restez dans la parole. C'est avec le Seigneur. Seigneur, aime miséricorde, aime miséricorde, aime miséricorde, pardonne-moi. Ça me donne ce rapport en prix. En même temps, de façon que vous montrez, vous descendez, vous serez plus même. D'accord, frère? Parce que le Seigneur, ses enfants, ça en sort en prix partout. Il va faire venir ses enfants. Il va faire venir ses enfants. Vous n'attendez pas qu'il y ait un mal sur la terre. C'est ça qui a fait que les gens, vous allez sur Internet, les gens sont dans les sensations maintenant de révélation. C'est qu'il faut qu'on ait un enfer. Il a vu l'enfer. Il a vu le paradis. Il a fait attention à là en enfer. Jésus a dit qu'ils ont sur la terre Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Si les écoute, pas ils viendront là-bas. Donc la prédication, c'est pas la prédication qui vient de l'enfer. C'est la prédication de la parole. Pas vrai? Voilà. Donc maintenant, vous allez aller. Ah, j'ai fait un ange. Je vais ici, ici. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous sommes sur la 6. Et les réalités. 1 Corinthiens chapitre 14. Voici ce que moi je souhaite. Je souhaite partout où ça devait passer. Quand le Saint-Esprit détache les chaînes de Satan sur les enfants du Seigneur, afin qu'il le serve dans la sainteté, dans la vie, dans la justice, comme c'est toi. Vous marchez, vous voyez bien comment il vous regarde. Beaucoup d'entre vous avez les portes saisies. Vous regardez, c'est le corps. Vous êtes là où je suis allé, il m'a libéré, vous êtes dans les chaînes. Vous ne pouvez pas avancer comme ça dans la vie de Dieu. Vous allez tenir à l'or parce que vous êtes en captivité. Il faut qu'on vous bénisse. Chapitre 14, verset 16. Verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Vous avez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il utilise de venir vous parler en langue? Je parle en langue ici. Si je ne parle pas ma doctrine, par révélation. Oui, voilà. Ce sont les choses que je veux laisser. C'est ce qu'on appelle à l'église. Il faut construire pour être prêt pour l'avènement. On vient s'asseoir, je viens de prêcher. Vous cherchez le message pour essayer de voir, pour parler contre un frère. Parce que vous avez eu un dissentiment. Vous avez entendu qu'il a eu fait avec quelque chose. C'est ça qui fait l'objet de prédication. C'est pas ça le prédicateur. Le prédicateur on de l'esprit, il a des choses de l'esprit, au moment opportun de l'esprit, lui donner la nourriture convenable au tac qu'il faut. Vous comprenez ça, frère? Voilà. Et c'est sans cette nourriture-là qui vient pour notre âme. Sinon, vous allez entendre que votre tête est colorée. Vous ne pouvez pas être colorée parce que vous avez vu que quelqu'un s'est mis en colère. Ça ne résout pas le problème. Ça va le pousser à l'agir seulement parce que c'est de lui que lui parle. Mais si on sait que lui a la parole, il lui se met sur ses genoux pour vous demander pardon. Donc, nous sommes prêts pour les jeunes de 3 jours. Mais vous voir amen. Comme moi, vous êtes la même voix. Donc, nous tous allons jeûner, nous allons le trouver sur sa nuit. Ça veut dire que nous s'asseoir pour vous. Dites pas que vous n'avez pas compris. Ça veut dire que. À checker. Alors, vous pouvez le faux n'importe quel coco que vous avez. Depuis Jésus, là, vous ne mangez pas le matin, quand vous rêvez, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Donc, mais Jésus, matin, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. La nuit, vous dormez comme ça, même si attiqué passe par côté de vous, vous ne regardez pas. D'accord? Le lendemain matin, vous levez, vous me levez comme ça, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas mourir. C'est la chair. Vous voyez? C'est la chair. Vous n'allez pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est que vous allez aller au niveau de votre bonjour, entre comme ça. C'est nécessaire. Parce que quand cette forme expérience, c'est que depuis le jour, notre âme intérêt se renouvelle. Vous ne pouvez pas vous renouveler ça comme ça, charger un bon point. Si les apôtres avaient l'esprit de Dieu, vous n'avez pas l'esprit, vous mangez. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Il a dit, lorsque les poules sera ôté, ils jetteront. Vous avez vu ça? Quand les poules sont ôtés, le ministère se jette. Vous les avez enseigné, vous avez bénéficié l'esprit. Comment il est entré? On a dit qu'il y a un message qui est venu catapulter l'esprit de l'extérieur. Ah, c'est comme ça que le Saint-Esprit vient dans le corps. C'est pas comme ça, d'accord frère? Alors comment tu travailles à salut de la poule là pour la sanctification? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà. Alors, là, je ne comprends pas quelque chose. Mais Jésus matin. Et puis il dit à Jésus matin. Ça n'est pas quelque chose. Jésus matin. Jusqu'au samedi matin. Est-ce qu'il y a autre chose? Tu vas savoir que le troisième jour, comment c'est le jour ici, on va continuer le jour parce que le soir est toujours. Bon, peut-être que tu dis ici, si vous voulez qu'on travaille bien avec le Seigneur, on va travailler bien avec le Seigneur. D'accord, frère? Donc, nous allons travailler comme ça. Et je vais vous laisser un modèle pour suivre. Que vous ne pouvez pas vous dire spirituel dans une base sur l'amélioration, la Bible, les lectures et les prières. C'est en ça qu'on se fait de relation personnelle avec le Seigneur. Maintenant, c'est en tant que lecture personnelle, votre méditation, que vous puisez la nourriture pour vous-même, pour que vous allez éduquer les uns et les autres. Plus vous allez aller avancer dans le Seigneur, plus le Seigneur vous nettoie, plus ces reflets, ces rayons qui sortent ces vêtements vous traversent. Plus vous allez commencer à regarder, vous tournez vers les uns les autres, regardez avec amour comme le Seigneur les regarde. Laissez monter avec leur faiblesse, sachant que Dieu a été passé en fait, toi-même par rapport à tes faiblesses. Pas critiquer les choses pour les plus ne plus parler. Non, non. Vous soutenez les uns les autres, que chacun puisse se réveiller. Elle déclare que si quelqu'un a été suppli en propos, vous qui êtes spirituel, vous qui êtes spirituel, restez-le. Où est-ce là? Alors, le ministère pour prendre le temps. C'est parce que vous comprenez, frère. Voulons nous travailler avec le Seigneur, Dieu permet que le Seigneur nous travaille les nouveaux. Il n'y a pas de voie de réponse. Il n'y a pas de voie de réponse. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas passer à Zoné parce qu'il y avait un autre analyste qui m'avait dit de transmettre le Saint-Esprit à Dieu. Comment? Joseph Branham. Que le Saint-Esprit de Zoné a mis cette personne sur la terre, maintenant c'est Joseph Branham. Il dit, je vais vous enlever cette terre. Il dit que le Saint-Esprit c'est tout nous seulement dans Joseph Branham. Joseph Branham a reçu le Saint-Esprit de Branham. Donc, Dieu a pris le Saint-Esprit dans un corps humain sur la terre. Il dit que il a dit qu'on comme ça, là, il connaît qu'il avait parlé aux femmes, il a rencontré plutôt le Saint-Esprit. Vous voyez ce qui est chrétien, il y a des choses sur la terre. Donc, le Seigneur a donné le signe du médecin à Jean-Baptiste. Celui-ci, si tu verras l'Esprit descend et s'arrêter, c'est celui qui va faire le Saint-Esprit. Lui, il lit sa Bible, il voit là, celui-là qui a suivi l'Esprit de Saint-Esprit, il voit que Joseph Bonnard. On dit que le Seigneur, qui va faire le Saint-Esprit, lui, c'est Joseph Bonnard. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas le fait que vous allez, on va prier, vous dites, il faut qu'il reste, on prie le nom de notre Saint-Esprit, bien sûr, vous devez respecter le bon sens, ceux qui ont respecté, pour les choses de même, on respecte. Il n'y a pas de tenue de Jésus. Il n'y a pas de raccourci pour avoir son esprit. Si vous êtes esprit, vous devez le plus de façon. Vous voyez ça, frère? C'est parce que vous comprenez. Jusqu'ici, avant que vous ne préoccupez pas, avant qu'il y ait avance. Parce qu'il y a allé à l'aide de prendre quelqu'un. Bon, merci. J'ai un autre peu de question. Je veux que le frère nous fasse un peu pour la manière entre ce que nous disons et le dégât. Pourquoi? Parce que même quand on est sauvé par la grâce et qu'on se dit qu'on peut tout faire dans notre esprit, on n'est pas d'accord. On veut que le Dieu vienne. Dieu soit difficile, Dieu dit je lui donne de la grâce toujours, mais on se met d'un petit truc. C'est pourquoi. Vous comprenez ce qu'il dit ici, il ne comprend pas les rites. Donc en fait, quand on est sauvé par la grâce, ça veut dire que dans les œuvres, on est sauvé parce que c'est la culture. Or, on sait que les œuvres sont un peu liées à la loi. Un peu. C'est-à-dire, je ne parle pas de la loi de Moïse, mais je parle de la loi qui a inscrit en nous, la loi des hommes. C'est la même loi. C'est la même loi. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, ça n'a pas parce que le fait de Dieu. Parce qu'il faut se justifier. C'est-à-dire, il faut être correct. Il faut abandonner ces choses. C'est pourquoi, justement, qu'il fasse la marche. C'est-à-dire, que qu'il essaie de se situer. Je ne pense pas qu'en le faisant, quelqu'un de dit, mais lui, là, c'est un légaliste. Et quand on sache que c'est parce que je veux changer, je veux être avec Christ. Voilà pourquoi je fais ça. C'est pourquoi je voudrais la marche. Mais en fait, le vrai fait de préciser, c'est parce que c'est un de nos premiers produits de l'Église maintenant qu'il ne constate pas. Il suffit de vous présenter la vie de chaque quelqu'un. Il dit, nous sommes sous la terre, nous sommes plus sous la loi. Pour vous corriger ça maintenant. D'accord, frère? Maintenant, regardez très attentivement. Vous savez quand les gens quand on prêche comme ça, par exemple, que les hommes sont déstabilisés, ils vont vous dire le frère ne vous sauvera pas. Or, c'est sûr qu'on a mis le prêcher à gens qui sont sauvés. Il faut faire la part des choses justement. Vous voyez, je sais pas vous c'est. Il dit qu'il y a des gens qui vont arriver parce qu'ils essaient de chercher des midi à 14h pour essayer de voir là où il y a les pailles. Il dit que mes femmes, quand vous écoutez, on parle de tout là, les frères ne vont pas vous sauver de l'enfer. Il ne s'agit pas de foulard pour sauver de l'enfer. Il s'agit de respecter le commandement de Dieu. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez, il va être vraiment doucement. Il y a d'abord le salut, puis les œuvres de cette foi. Il n'y a pas les œuvres avant le salut. C'est ce que la Bible enseigne dans le Nouveau Testament, c'est la grâce. D'accord? Maintenant, regardez, prenez le temps de lire le livre de Jacques, chapitre 1 et chapitre 2, concernant ce sujet-là. Mais je vais dire doucement. Prenez le temps de chapitre 28, pendant que vous notez, je vais citer ce qui est écrit. Maintenant, dans le chapitre 28, nous connaissons tous. Au verset 8, le Seigneur Jésus s'est présenté, il a dit que tout pouvoir m'a donné dans le ciel sur la terre, à l'œuvre, fait que toutes les nations de l'Église, les baptisés, au nom du Père, du Saint-Esprit, puis fait quoi? Puis fait quoi? Enseigner à observer, il y a une observance, parce qu'on peut enseigner Jésus. Parce qu'on devient disciple, il y a une observance, on ne doit pas enseigner aux chrétiens. On ne doit pas enseigner aux chrétiens, habite dans le livre maintenant. Oui, c'est ça que quand les gens ne veulent pas vivre là l'obéissance, ils trouvent un mot français ou un grec pour la traduction du légalisme. Qu'est-ce qu'on appelle par légalisme? On n'a pas dit à quelqu'un que si nous ne faisons pas ce qu'on sera là, nous ne serons pas les plus sauvés. Il n'est pas question de faire quelque chose pour être sauvé. Il est question d'enseigner aux gens qui sont sauvés comment vivre. C'est ça notre question, ça n'est pas le légalisme. Jésus donc en premier lieu en donnant la mission à dit ça. Faites des disciples, puis enseignez-les à observer. Ça veut dire quoi vivre. Sur la terre, il a dit, vous êtes mes disciples, vous pratiquez ce que je vous ai ordonné. Jésus était-il légaliste? Non. Il faisait chercher Dieu maintenant. Il faisait chercher Dieu. J'entends ça partout dans le monde. Non, vous êtes légaliste. Quand ce sont des gens qui sont dans l'erreur, j'observe les dizaines, je ne parle pas. Quand ce sont des gens qui sont des discoureurs, qui disent des choses de la même façon, je ne fais pas cas d'eux. Non, des choses, tu enseignes le salut par les autres. On n'enseigne pas le salut. Le salut est donné instantanément. Quand tu souffres instantanément, il y a une nouvelle vie. On ne peut pas tout ça dans la vie de Dieu. On ne peut pas les apôtres. Et faisait chercher Dieu. Mais ça n'est plus quoi, mon cher. Ce n'est plus par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà, vous avez entendu ça. Maintenant, regardez le verset 10. Car nous sommes sauvés, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous avez ça. Donc, nous sommes, quand nous sommes en Christ, il y a une portion des œuvres que vous devez faire. Ce n'est pas le prétexte de bonnes œuvres. Et c'est Dieu qui nous a préparé, c'est-à-dire que nous nous pratiquons pour pratiquer ces bonnes choses. Quelles sont ces bonnes choses? Premièrement, nous voyons que ce verset, les deux versets résolvent le problème là. Il y a d'abord sauvé par la grâce, puis l'accomplissement des bonnes choses qui est conséquent de ce salut là. Ça, si vous comprenez. Dites, chacha de toi. Dites, chacha de toi. Tu es le frère. Ils ont battu le verset 8, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Stop. Maintenant, c'est la parole à dire. Et donc, le prédicateur dit, je veux que cette parole soit certaine. Je veux que tu enseignes ça. Que ceux qui ont cru quoi? Ceux qui ont cru. C'est à ceux qui ont cru qui s'adresse. Ceux qui ont cru, ils sont sauvés. Le roi, c'est qu'il y a un volet, qui s'applique à faire quoi? À pratiquer. Croyance, puis on pratique. Et cette pratique-là, c'est la vie et la loi de la foi. Maintenant, regardez, il se lève. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions comme les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Vous avez compris ce qu'il dit? Nous sommes en plein là-dedans. Donc, l'égalisme n'a pas sa place au milieu de Christ. Mais nous devons respecter la loi de la foi. La loi de la grâce a sa loi. La grâce elle-même dit, chapitre 2, verset 11, je te dis, la loi, la grâce, sous les saluts, sous la grâce, sous les saluts, pour que nous avons été manifestés. Après la manifestation, elle nous enseigne à réunir ici. Vous avez vu ça? Donc la grâce a son enseignement. La foi a sa loi. Quand vous voulez parler de légalisme, on n'est pas là pour dire allez les culturels. C'est justement ceux qui enseignent cette loi-là qui disent ça. C'est justement ceux qui disent que vous êtes légalistes, qui disent qu'il faut payer les dîmes. Parce que sous la loi, justement, qu'on paye les dîmes. Vous voyez, c'est plutôt que sur les légalistes. Quand vous allez parler pour dire que les sacrifices du Nouveau Testament ne donnent pas aux chrétiens, c'est une dîme. Parce qu'il n'y a pas de dîmes qu'on paye en argent dans la Bible, ils vont vous dire non, mais non, vous le devez. Pourtant, c'est une question de respect de la loi. Vous avez posé la question, il y en a cinq styles de dîmes dans la Bible. Les dîmes que le sacrificateur devait les prendre et les vivre. Les sacrificateurs ne payaient pas les sacrificateurs. Et tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Donc ils doivent attendre ça de quelqu'un. Vous dites qui est levé dans le coin, on ne peut pas vous dire. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc ce sont des légalistes qui sont légalistes. Ce sont les légalistes qui sont légalistes. Parce qu'ils vont dans la loi, ça les arrache. Quand tu dis, mais ça, de respecter ceci. Mais pour bien dire que sous la loi, on ne peut nous pas avoir Dieu au foie avant. Mais c'était dans l'assemblée. Mais la propre dit, elle s'est profitée, comme le dit aussi la loi. N'est-ce pas, frère? Y a-t-il un endroit dans la loi? Dans votre Bible, Dieu parle de cette terre? Il veut que vous montrez. C'est mon grand-père qui a écrit. Il a dit, qu'est-ce que c'est terre? On nous dit aussi la loi. Allez dans la loi, montrez-vous la loi. Il veut dire, le prince, le juge, le sacerdoce, sous la loi, l'aide interdit la parole dans la sacerdoce. Vous voyez ce que c'est dans la loi? Alors maintenant, dans sa acte, un corrigé chapitre 11, il dit, je veux que vous sachiez, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme. Toute femme qui prie, ou qui prophétise la tête non voilée, que ce sont son chef. C'est à la loi qu'on a parlé, c'est la Nouveau Testament. Ah! Verset 16, 1 Corinthiens, mais 1 Corinthiens 11. Verset 16, 1 Corinthiens 11. Vous voyez ce qu'il faut amener, n'est-ce pas? Donc on essaie de voir si t'as chéré les versets, nous devons t'acheter. Maintenant, verset 16, 1 Corinthiens 11. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. non plus que les églises de Dieu. Vous voyez ce que je dis, avant de développer maintenant le voile de la femme haute, les gens qui nous mettent autrement, que verset 15, son foulard, c'est Jésus sur son voile. Dès qu'il a pris le temps d'expliquer le gouvernement de Dieu là-bas, il dit que c'est prêt à contester, on va passer à Jésus. Maintenant, quand vous prêchez ça maintenant, vous êtes légalité. Un Corinthien, c'est Moïse qui a écrit ça, frère. Un Corinthien, c'est Moïse qui a écrit ça. L'apôtre Paul, tous les apôtres et tous les autres disent clairement qu'après la foi, il y a les œuvres de la foi. On ne fait pas les œuvres de bonnes œuvres pour être sauvé. On est d'abord sauvé. Et quand on est sauvé, c'est une fois le premier qui est réglé. Maintenant, on va vivre maintenant en fonction de ces saluts. Jean chapitre 2, non? Il faut corriger ça et arrêter cela. Si quelqu'un veut ouvrir la parole, qui veut ouvrir la parole de Dieu? Oui, Jean chapitre 2, à partir du verset 14. Mais frère, que sert-il à quelqu'un de vivre qui a la foi s'il n'a pas les yeux? Vous pouvez répondre à cette question? Répondez à la question que Jean a posée. Ou si vous êtes plus fort que Jean qui a marché avec Jésus. Il dit, qu'est-ce que ça te sert à dire? J'ai à quoi? J'ai la foi si tu n'as pas les yeux. La foi n'est pas palpable. Quand la foi se manifeste, on voit les yeux, c'est que tu as la foi. Il dit, mais fais-tu cesser un autre? J'ai la foi si tu n'as pas les yeux. Puis pose la question, la foi de cet homme peut-il la sauver? Donc il a des bonnes questions si son salut ne le dépend pas. Vous voyez ce qu'il dit ici? Il dit, cette foi là, est-ce que cette foi peut-il te sauver? Donc est-ce que vraiment tu arrives au niveau du salut? Parce qu'il y a au niveau du salut, c'est-à-dire que c'est après le salut, alors manifester les yeux du salut. D'accord? Donc, frère, la foi peut-elle le sauver? Si un frère et une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Vous avez entendu? Laisse la prédication de Jésus. Oh Dieu, mon frère, que Dieu te bénisse. Tu es béni de Dieu. Pas vrai? Les gens disent Amen. Au milieu de nous, c'est tous des gens qui ont des besoins de première nécessité. Il veut dire c'est votre devoir, vous faites et résoudre ce problème. Vous voyez cela? Il s'intéressait à voir le livre. Je suis chrétien. D'autres encore peuvent aller prendre de l'argent, acheter les livres du chrétien, alors qu'on est présent de souffrir. Grave encore, ceux qui sont dans la dénomination pompent de l'argent, les paquets d'argent, les deux pasteurs dénominationnels là, qui ont acheté la machine, pour s'assurer par cet esprit. Pour aller tenir là-bas, pourquoi on les impose la main? D'autres achètent des bouteilles qui envoient même pour les mettre au village. Parce que tu vas les délivrer. On leur a dit qu'on a mis le Saint-Esprit dans l'huile. Le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il vend ça à 30 000. Donc le Saint-Esprit, c'est pas à 30 000. Vous avez besoin de pas. Alors, ici, cette foi peut être sauvée. Vous voyez, il dit, en exemple de la mise en place des meubles de la foi. Par exemple, si un frère qui se demande de la nourriture chaque jour, vous ne pouvez pas dire que ta taxe, le nom de Dieu t'accompagne. Donc, dans ta pratique, si tu es croyant, si quelqu'un a des problèmes, c'est ta responsabilité de mettre ce problème-là hors de ta dominance. C'est ce que je lui dis. Donc, c'est le fait que je vivais de tout. Je vais faire la main à lui. Pour le moment, quand tu as la main à lui, tu vas faire. Il doit manger, d'accord, frère? Il doit manger. Donc, il faut arrêter ça. Vous allez répondre avec la Bible. Quelqu'un laisse la maison, il met la main pour vous. Vous voyez, c'est l'air. Vous comprenez que depuis 3 mois, il n'a pas mangé. Donc, je vais faire ma main. C'est très bien. Tu as besoin que Dieu te bénisse. Il te regarde, il dit Dieu est bon, tu dis Dieu est bon parce que toi tu as mangé. Mais il ne comprend pas que Dieu est bon aussi, parce que si Dieu est bon, comment il a fait? Mais c'est que lui-même, quand il prêchait, déjà il était fatigué, il a arrêté la prédication. Il dit, quelqu'un a soif pour nous, vous-même, maman, en mangeant. Jusqu'à ce que les gens aient mangé la santé, malgré qu'on lance, on n'insultait pas la fille de lui donner la nourriture. Vous comprenez ça, frère? Dans ce moment, on a un pays. L'esprit et le corps. Quand c'est le moment de donner les choses, tu donnes les choses de l'esprit. La mise en pratique des choses de l'esprit maintenant, c'est dans la chair. Si tu as besoin, vous pouvez dire c'est dans la maison. Un Jean chapitre 3. Un Jean de chapitre 3. Verset 17 à 22, mon frère. Verset 17, 1 Jean chapitre 3. Verset 17 à 22. Allons-y. Si quelqu'un possède les pieds du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et tout son enfant, n'aime pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous n'avons pas de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Bon, maintenant, là où tu as mis l'assurance, tu as mis le temps, tu as écrit là-bas. Je veux que tu aies l'air, tu as l'air de le demander de l'assurance, nous n'aurons pas de l'assurance. Je lui ai dit à quoi ça fait. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors, écoutez très attentivement. Lorsque vous êtes sauvés, c'est pour vous. C'est individuel le salut, n'est-ce pas? Maintenant, la vie en communauté, c'est partage. L'exemple clair, c'est la vie du chrétien du Nouveau Testament. La vie déclare que lorsque vous avez eu le premier réflexe, il vendait tout ce qui lui appartenait, vous venez mettre en communauté. N'est-ce pas, frère? Et la puissance du Saint-Esprit marchait à cause de l'amour qui était là. Vous voulez le Saint-Esprit en gardant le fait matériel comme ça. Il y a des gens qui ont des terres et des maisons. Mais vous ne comprenez pas que les maisons, là, vous pouvez les vendre pour que les frères en profitent. Il y a des frères et sœurs qui souffrent seulement un coup de pouce. Mais je vous dis que la révélation, c'est ton nez en parler. Ça veut dire, quand il sait ça, ça veut manger. Quand il connaît ça, ça veut manger. Donc faisons attention. Faisons attention. Vous comprenez, frère? Donc il y a la mise en pratique de la vie qui est de toi. Il ne s'agit pas du légalisme mosaïque. Il s'agit du principe spirituel qui veut que les choses de l'esprit que tu as, tu puisses même manifester sur la chair pour les voir. Donc c'est ça qui est le sujet de la Nouvelle Testament. Maintenant, nous lisons aussi, on peut finir là maintenant par rapport à ce que c'est aussi. Prenons le livre de. On a lu Matthieu aujourd'hui. Décidez Matthieu, je vais vous dire. On a lu l'Éphésiens chapitre 2. On a lu également maintenant, on a lu Tite chapitre 3. N'est-ce pas? On a lu Jean chapitre 2. Mais on a lu 1 Jean chapitre 3. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Un jour, je me dis, maintenant, comment on pense ici? Il dit que si quelqu'un pose le de ce monde et que vous voyez son frère dans le besoin, ça, c'est pas le cas de spirituel, comme quelqu'un m'a dit, il y a tout ce qui fait un spirituel. Vous voyez, voyons son frère dans le besoin, il fait avec ses entrailles. Il pose la question comment l'amour de Dieu demeure en lui. Vous voyez, c'est une ce sont les choses que quand vous méditez, quand vous posez une question, en manifestant, c'est ce qu'il y a des gens qui. Quand tu viens chez lui, il dit, tu es à quel niveau? Tu sais, c'est au niveau de la boule là-bas. Il dit, ok, attends, j'ai vu que tu vas en route, parce que chez lui, il y a à quelqu'un. Il veut pas que tu arrives chez lui, parce que tu vas manger. Après, ah, tiens, comment? Je vais me réveiller de toi, qui veut donner la vision là? Qui veut donner la vision? Il dit, si vous possédez les biens de ce monde, on parle des choses par bas. Les maisons, les voitures, et que vous voyez votre frère qui est dans le besoin. Si vous nous fermez votre entrée, mais que vous ne manifestez pas la miséricorde envers lui. La personne qui dit, c'est que le jour du jugement, il va poser des questions sur l'amour pour dire que tu as pour Jésus. Parce que toute chose que tu vas faire pour Jésus, tu le fais pour toi et ses enfants. Et dans ce même temps, Jean qui a dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton voisin, que tu es ton frère, que tu vois. Vous voyez? Et l'amour est prouvé. Dieu lui-même, nous allons vous aimer, que la donne la manifeste à moi, nous donnons le désir. Est-ce pas frère? L'amour est prouvé. C'est pas pour ça qu'il dit ici. Mais tes enfants, n'ayons les mêmes pas en parlant, mon frère, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Mais avec ta action, on a absolu que la pratique, il y avait de l'huile. Que l'amour soit pur, simple, joie, sans voix de politique. D'accord, frère? On a beaucoup besoin de repentance à cause de ces fausses choses qu'on a mélangées. On a vu qu'à l'usage la vie, en prière, je n'en sais pas ça. La vie est une relation qui a fait une relation des individus. C'est notre responsabilité. D'ailleurs, on a fait ce qu'il dit, parce que c'est lui. Et Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Il a voulu même que les membres soient venus de nous, les plus faibles, pour tous ceux qui sont forts pour se soutenir. Et là, il a dit, si tout un membre souffre, tous souffrent ensemble. Si un membre est honoré, tous sont honorés. Faites cela, le fait que vous me voyez au milieu de vous. Faites cela. Vous comprenez bien. Donc, j'espère que c'est corrigé. J'ai répondu à la question. Il n'y a pas question de l'égalité à nous de Dieu. Il est question de la loi et la grâce. On parle sur la grâce, c'est un peu comme on dit aux gens, on dit que c'est pas prédestination. On dit ok, c'est prédestination, c'est quoi, on a les doigts. Les gens qui ont compris cette prédestination de la vie n'avaient pas basé les doigts. Vous voyez, ça n'est pas. Pourquoi chercher les milliers quand vous êtes. Vous dites, des prêches plus ça. Si quelqu'un se bat, alors c'est rassuré de toute façon. Malgré que vous puissiez montrer que c'est la pénalisation, il y a vraiment un besoin d'aller prêcher. C'est parce qu'on peut chercher toujours d'être nous-mêmes pour pouvoir expliquer l'évangile. Donc, il y a des gens qui ont fait le cas. Et des gens qui ont fait le cas. Ce sont ces choses qu'on est censé enseigner. Si on n'enseigne pas ça, vous sortez du monde, de votre tradition, de votre niveau de vie. Avec votre couture, vous consommez comme ça, c'est ça qui fait le problème. Parce qu'il n'y a pas une séparation à l'instant où tu as rencontré Christ. Les choses, les œuvres du monde. Chapitre 4, verset 17, et suivant. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la disposition pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Puis regard à votre vie passée. Amen. Amen. Amen. Vous avez ça, vous avez ce que la là. Donc il y a une enseignement. Si on vous enseigne plus, non, la bonne façon. Il y a des critiques. Il a commencé par dire, je vous recommande dans le Seigneur. Il dit, la vie peut être différente de la marche, c'est lié autrefois. Ils ne devaient plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leur pensée. Ils ont donc le enfoncé à cause de l'ignorance qui est en eux. Il dit, mais vous, savez la qui là maintenant. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, et puis dites du moins. Ça veut dire que si vous avez appris Christ, si quelqu'un envoie pour la bonne façon, vous enseignez ce moment, vous devez être de même en réalité. Il dit, c'est en lui, c'est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Donc il y a l'enseignement sur le but de dépouillement, vous devez aller au but passé. D'accord? Ça veut dire que le style de vie que vous menez là-bas, on doit te prêcher, puisque tu dois abandonner le monde. Donc, prendre cette façon de faire, ce n'est pas le vœu de piété. Vous comprenez, n'est-ce pas? Cette assurance, c'est pas le légalisme. C'est ce qu'on connaît, c'est la propre qui a dit là. Parce qu'il a été chargé pour prêcher ça chez le païen. Le païen était désormais été convaincu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vous êtes dans des cieux, le Seigneur Jésus qui m'a été envoyé. Pas vrai? Donc, il n'y a pas de légalisme à vous. Jésus a dit que si vous me regardez quoi? Bon, donc garder le commandement, ça dit fermer la ville comme ça, vous allez garder la ville, c'est ça? C'est ça, frère? Donc on garde le commandement comme ça. En même temps, le commandement, c'est quoi aujourd'hui? C'est le peuple de Dieu. Comment on fait la distinction de ça entre ça et la loi? La Bible déclare dans Jean que si vous accomplissez la loi royale, vous accomplissez. C'est pas ça? La loi royale. La loi d'Église qui est un mot prochain. Je demande au Seigneur que tu aies un mot prochain là. C'est la loi royale. Comment vous accomplissez cela sur le plan pratique? On veut le dire, on veut le voir dans un geste de joie ici. Que la plus en pratique cela, c'est si je vois mon prochain, je fais ce que je me souhaite. Comment je fasse? Je lui dis, c'est la loi royale qui est faite. Donc, pour vous, quand vous êtes chrétien, je suis spirituel. Je suis spirituel. Je suis spirituel. Je suis chrétien, c'est ça? C'est pas ça, d'accord? Votre vie, votre relation propre avec le Seigneur. Quand vous rencontrez maintenant, c'est entre vous et le Seigneur et les gens. D'accord? Alors, je peux exprimer l'amour de Christ envers le monde. Nous avons besoin des uns, les autres. L'assistant au Saint, c'est écrit dans la Bible. Souvenez-vous des prisonniers, donc peut-être vous êtes dans la chair. C'est écrit là-bas dans le livre de Hébreux chapitre 1, chapitre 13, verset 1 à 4, n'est-ce pas? C'est écrit là-bas. Souvenez-vous des prisonniers. Ici, la vie de l'école met en pratique. Mais c'est bon, c'est magnifique. Nous mettons la parole en pratique. La parole en pratique, peut-être très important. La parole ne consiste pas à être pour avoir seulement le salut. La Bible ne consiste pas au salut. Il y a le salut et la manifestation du salut et les œuvres pour attendre. Il y a la parole d'attendre le Seigneur Jésus, la parole de Dieu pour attendre. Cette façon-là, c'est la marche de ça, marche chrétienne. Il y a la marche chrétienne qui dépend des autres marches. Et si tu marches dans la vie chrétienne, en marchant comme où tu marchais avant, il y a un problème. On doit t'enseigner à te dépouiller pour égaliser la vie. D'accord, mes frères, il n'y a pas de légalité à milieu de Dieu. Des questions encore, des préoccupations? Oui, avant que nous commencions. Vous avez une question par rapport à la mariage, le dogme, vous avez parlé de dogme. J'ai écouté les enseignants, vous avez dit, qui sont du premier dogme, c'est le vrai. Donc, je voulais savoir si c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que c'est par rapport à Oui. Vous avez suivi la mission, non? Dis ça au revoir, mon père. Allô? Mais plutôt nous enseignons aussi le mariage. Il y a eu un effort aussi. Voilà. Sinon, on ne va pas finir. Tout ce qui prend dans ces volets. Voilà, vous voulez savoir si. Si la science est pas, c'est pas convaincu. Comment? Bon, tu ne veux pas prendre la vie, ça? Tu veux qu'il te donne les instruments, pourquoi pas ta part, c'est ça? Tu veux qu'il te donne les instruments, pourquoi pas ta part? Bon, maintenant, regardez. Ce sont des corrections que le Seigneur a mis à l'année. Ce sont des corrections que le Seigneur a mis d'amener. Il a dit, c'est qu'il a dit, il n'est pas au courant. Je me considère, et puis la question que ça va voir, depuis qu'il n'est pas prêt à mariage, pourquoi pas faire les questions de l'issue? Il a dit que j'ai enseigné qu'on ne paye pas la dot, ce n'est pas pour ne pas préciser dans votre vie qu'on paye la dot à un mariage. Avec les gens, je l'ai dit. Et il pose la question donc, si les parents de la fille ne sont pas convaincus de toi, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Moi, je suis un mari. La parole de Dieu est là. Si tu dis à quelqu'un que tu ne dois pas se rendre au Seigneur Jésus, je ne vais pas le conseiller. Vous allez le conseiller. Non, non, non, mais si tu aimes la personne, tu vas faire parce que la personne va venir chez toi. Donc la dot me pose problème, c'est que j'ai dit qu'on ne fait pas la dot, ça vous pose problème. Vous dites que vous êtes selon les écritures, vous faites les écritures. C'est vrai, presque, nous, nous, on fait la dot de femme à Marie, à l'aide de Marie. C'est pas vrai, hein? Alors, vous voyez, dans ce sont des choses bien d'achetant qu'on a mis. C'est ça, je sais pas vous dire pour vous parler. Oui, vous êtes dans l'Ancien Testament. Les gens sont mariés comment? Moi, je vous donne pas mariés par exemple. Bon, en fait, moi je crois qu'il y a. Tu as travaillé pendant 7. 14 ans. Voilà, Jacob a travaillé 14 ans pour avoir son. C'est tout ça, papa. 17 ans, 7 ans. Donc, c'est ça la dot alors. Bon. C'est parce que je pense. Comme la pluie au tout profond, sinon je. Si quelqu'un peut l'aider, aidez-le. C'est vrai pour faire. Alors, qu'est-ce qu'on va encore le faire comme ça ou bien? Ah, c'est bon. Tu veux le dire? C'est pas ça. Moi, j'ai deux questions. Alléluia. J'ai deux questions. Bon, je voudrais savoir. Qui peut, c'est qui ma maman va appeler des chrétiens. Et puis après, au nom de Marianne, Dieu a dit pour la Bible que l'homme ne doit pas dans les rapports sexuels se tromper dans le mariage. Mais nous sommes dans le mariage, il n'y a plus de dot. La Bible dit qu'il n'y a plus de dot, ni que le mariage qu'on voit actuellement. Donc, en fait, j'ai dit que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que tu me dis que vous faites pas, vous êtes légaliste. C'est qu'à juste titre, on peut vous appeler donc légaliste. Parce que la Bible déclare à l'Hébreu, chapitre 7, le pouvoir Abraham payer la dîme. On dit que c'est pas lui qui paye la dîme, c'est d'être le roi David, qui était un sacerdoce, qui le père de sacerdoce, où il devait le soir, il devait payer par Abraham. Vous voyez l'histoire? Donc Abraham n'a jamais payé la dîme pour lui-même. Ça, c'est un. Il s'en avait élevé la dîme pour toucher sur la table. Et vous voyez, dans cet Hébreu, chapitre 7, verset 11 à 18, il dit. Que le sacerdoce là, le sacerdoce de l'éthique a été annulé parce que cela lui a amené la perfection. Et ce sacerdoce qu'on prend la vie. Moi, vous voyez, n'est-ce pas? Et l'introduction dans le nouvel sacerdoce doit être parfait. Le sacerdoce, le Hébreu chapitre 7, mais clairement, que c'est le sacerdoce de Melchizedek. Et dans le sacerdoce de Melchizedek, lui seul fait le souverain sacerdoce et le reste sont les sacrificateurs. Donc il n'y a pas trois mots. Il n'y a pas souverain sacrificateur, ce sacrificateur et le lévite. Il n'y a pas les lévites dans le corps de Christ, ça ne se trouve pas. Tout sont sacrificateur. Ça, c'est ce qui est dit. Et le sacrificateur ne perd pas les Lévites. Il perd les Lévites chez les Lévites. Comme il n'y a pas de Lévites, il n'y a pas de Lévites. Il n'y a pas de chez le peuple. Il n'y a pas cette discrimination par le corps. Le corps, un seul, un sacerdoce doit être obligé, ça serait le Lévite. Vous comprenez? Maintenant, lorsque les gens ont mélangé les coutumes, les peuples, les traditions dans la chambre de Dieu, au point où si vous posez la question, comment vous mariez? Il y a des gens qui disent que le mariage se passe à la même. Il faut que les gens se marient à la même. On dit, ok, vous êtes biblique. Mon père, un verset dans la Bible. Vous pouvez montrer? Est-ce que vous montrez un verset dans la Bible qui dit que vous devez marier à la même? Que c'est le maire qui va légaliser pour mon père, vous êtes marié. Si vous avez des problèmes, ça veut dire qu'il faut redéfinir le mariage selon la parole de Dieu. D'accord? Alors maintenant, vous regardez encore, vous dites, ok, si vous ne partez pas à la mairie, vous n'êtes pas marié. Après, vous êtes à la mairie. Tous ceux-là, vous avez appelé le problème de la Bible, ils allaient à la mairie. Est-ce qu'ils allaient à la mairie? Est-ce qu'ils partaient voir en justice pour divorcer? Pour divorcer, comment ils devaient faire? Ils s'écrivaient eux-mêmes une lettre. Donc, c'est-à-dire, prenez la question du lot et mettez à compter du jeudi. Parce que j'ai observé quelque chose chez toi qui ne va pas. Ils s'écrivaient seulement que la femme ne s'espace pas sexuellement. Il la Bible. Je ne sais pas ça pour elle. Il écrit un motif. Il divorce. Il donne une femme. Le divorce est prononcé. Vous comprenez? C'est le livre romain, avec la loi romaine qui a introduit ces choses pour essayer de normaliser ça dans le canon. D'accord? Ça se passe comme ça dans la Bible. Maintenant, vous direz que Sarah et Abraham n'étaient pas mariés. Vous direz qu'ils n'étaient pas mariés. Et là maintenant, vous, avant que vous mariez, vous venez en Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a des peuples de tous qui ont des femmes. Vous direz que vos parents n'étaient pas mariés. Alors, si vos parents étaient mariés et qu'il n'y avait pas de mairie, que vous dites aujourd'hui que c'est la mère, mais c'est le mariage, vous avez des problèmes. C'est que vous avez dit Abraham n'est pas marié. Le fait de la Bible n'est pas marié. Le mariage ne consiste pas à l'acte de mariage. Parce qu'il y a des gens qui mariage, mais qui sont divorcés pour Dieu. Il y a des gens qui sont même peuple qui sont divorcés pour Dieu. Vous comprenez ce frère? Donc le mariage, c'est pas ça. Maintenant, si ça a embrouillé, il n'y a qu'une seule façon de regarder. C'est le travail de Christ et de son épouse. Vous posez la question comment il se marie. Parce que le mariage est physique, c'est un type de mariage. Alors vous posez la question comment Christ se marie. Vous devez résoudre le problème là. Vous comprenez? Donc le frère qui a parlé de Jésus, pas de Jacob. De Jacob qui a trouvé Rachel, qui l'a embrassé, puis il est allé. Le matin, frère, parce que les parents de Jacob n'ont jamais demandé à Jacob de travailler. Alors vous allez dire Jésus. C'est lui qui a proposé à travailler. C'est lui qui s'est proposé à travailler. Je travaillerai 7 ans. C'est lui qui a fait 6. Donc c'est lui qui a fait 6 la classe. Quand vous allez dire que la certitude, c'est les deux. Donc c'est le donc la Bible parle. Parce que vous allez chez les parents, vous demandez, vous dites, donnez-moi la liste. C'est eux qui donnent la liste, qui donnent leur exigence. Vous voyez, et à eux, quand tu fais quoi? Le droit punit même sévèrement ceux qui demandent les têtes excessives. Voilà. On condamne les parents qui demandent les têtes excessives. C'est vrai que justement, dans la loi, dans la loi, vous pouvez faire. Donc faites attention. Faut faire attention. Alors, maintenant, on voit le livre de Genèse au chapitre 2. Genèse chapitre 26. Pendant que vous allez chercher Genèse chapitre 26, je ne sais pas, en fait, c'est qu'il faut les respecter. Là, c'est l'histoire de la rencontre de Jacob avec Rachel et Léa. La prendre dans tout son mari. Il veut se mettre pour remarquer que quand Jacob est arrivé chez là-bas, c'est pas là-bas qui a exigé qu'il travaille 7 heures. Quand il a vécu, il savait qu'il aimait Rachel. Il a dit, tiens, quand même, chose, Rachel. Je préfère mieux donner ma fille entre tes mains que de donner au païen. Et puis, il se parle. Jacob lui a dit, je vais travailler 7 ans pour elle. C'est cet homme qui a travaillé. Maintenant, la première mention de la dot de la Bible, c'est le jugement des pratiques païennes. La première mention. Amen. C'est pas chez les Israéliens que vous avez été mentionné. Dans le dessin, c'est un gérer, c'est un gérer. Vous voyez, vous connaissez l'histoire d'une vieille de Dina, n'est-ce pas? Lorsqu'on a violé Dina. Alors, le fils de ces rois-là est venu vers le peuple. Après avoir violé Dina, ils ont demandé, demandez-nous une fois que. Sans homme, une fois que c'est écrit. Alors nous allons la payer pour la place. Le Père là, il avait d'abord déshonoré. Et ce principe là qui va être érigé en loi. Et c'est ce principe qui va être érigé en loi. C'est ce principe que, à mon appel là, c'est ça qui va être érigé en loi. Et vous allez donc dans le Deutéronome chapitre 22. Verset 13 jusqu'au dernier. Exode chapitre 22, verset 13 jusqu'au verset 16. Où Dieu parle clairement. Il y a la dot de vierge et toi. Déshonoré. C'est ça l'autre question. C'est la seule dot dans la Bible. C'est vrai que il faut que la vie qui était vierge. Et puis un signe de réparation, la dot c'est la réparation de la virginité de la paix. C'est ça la dot. La dot c'est pas pour demander le mariage et prendre le donner de cette dot et prendre le mariage. C'est pas ça que t'as l'intention, Seigneur. Parce qu'on fait un mariage à la Bible, n'est pas comme ça. Il comprend ça. Si vous avez des amours, vous allez au mariage pour entrer plus sur l'église. Telle est la dot. Vous disiez telle est la dot. Vous voyez, il y a trois frères. Donc c'est pas public. Donc c'est pas public. Donc si vous avez une écriture pour essayer de comprendre, vous ne pouvez pas. Oui, oui. Maintenant dans sa condition, puisque je vais voir la pratique. Voilà. Maintenant, bon. Oui, oui. Voilà. On ne veut pas répondre. Maintenant, on va. Parce que maintenant, je ne sais pas, maintenant on va. La soeur, je dis bon, on va pour Marie et ça là. La soeur a gâté les deux. Maintenant, est-ce qu'on ne veut pas des parents là-bas pour moi? Voilà, parce que ici, je suis d'accord, uniquement que la dot là, voilà, c'est pas le au niveau des parents là-bas. De là-bas. Non, je dis où nous l'avons suivi, vous venez de dire la même question, c'est la question, celui-ci a posé. Vous voulez que je fasse comment? Pas de parents, vous ne payez pas la dot. J'ai dit, chaque fois que vous pouvez, j'ai dit, moi, j'ai mon enfant. Vous prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité. Il n'y a pas un passage qui dit au pas par pas. On doit vivre la parole. Le plus grave, c'est ce sont les chrétiens. Vous voyez, les parents qui parlaient de la polygamie sont prêts à aller prendre des enfants de tout. Voilà, maintenant, ils sont confrontés à la vérité. Donc, si vous avez fait le programme, vous allez avoir beaucoup, vous allez avoir beaucoup des enfants pour avoir beaucoup de d'autres. Arrêtez, ça, c'est le bon. Vous n'avez pas le droit de prendre les d'autres. Vous voyez, là, n'est-ce pas? Maintenant, le mariage, d'après la Bible, c'est le consentement entre les deux. Après la Bible. Comment frère? Puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, le mariage c'est le consentement de deux personnes. C'est-à-dire l'accord entre l'homme et la femme. Bon, à ce niveau, je voulais savoir quelle différence on peut faire entre deux personnes mariées et ce qu'on appelle les copains. Et puis aussi le financier. C'est trois éléments. Bonne question. Hier, nous avons parcouru, hier, c'est un chapitre 7, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et la Bible déclare que pour les deux, si elle se marie, elle se marie dans le Seigneur, n'est-ce pas? Vous avez posé la question, comment? Vous avez compris? On peut terminer. Normalement, je vous disais que vous allez comprendre. Regardez ce que l'apôtre Paul dit là-bas. Il dit que chacun sa femme. Et là, par Jésus, il dit que si le frère ou la sœur se constate à habiter ensemble, vous voyez ce qui est écrit là-bas, qui ne réplique point. Le mariage, vous dites, le mariage, comment on va se marier? Posez tout souvent la question. Vous dites que l'église est l'église de Christ. Enfin, la question c'est comment l'église a été mariée à Christ? Répondez à la question. Répondez donc à la question. Comment l'église a été l'épouse de Christ? Comment? Lorsque l'église a accepté, mais le problème, vous remarquez que ce n'est pas l'église qui prend Christ, n'est-ce pas? C'est Christ qui l'est prend. C'est vrai que, comme on l'a fait dans le mariage de Christ et de l'église, c'est notre acceptation qui a fait ce mariage. Mais avant cela, qui s'est fait payer le prix par ta vie? Voilà, sur la croix du calvaire. C'est par cela qu'il nous a d'abord rachetés avant que nous puissions être à lui. Voilà. En fait, j'ai poussé le frère, c'est là que je vais en venir. J'ai poussé à bout pour montrer quelque chose. Parce que j'attendais que quelqu'un dise que le sang qu'il a payé à la croix, c'est la dot de son église. C'est ça en tant que fond. Vous voyez, je les ai poussés à vous pousser parce que c'est la pensée qui est derrière. Que d'abord, il a d'abord payé. Mais Jacob a payé aussi par le sacrifice aussi pour avoir son rachat. Vous voyez, maintenant, si vous prenez la scène syllogisme, on paye la dot aux parents, n'est-ce pas? Dans un cas, il a dit que les parents de l'église, c'est qui? Dans ces conditions-ci, qui veut dire que les parents de l'église, c'est qui? C'est le diable. Non, rachetement. Parce qu'il s'est racheté. Quand il rachetait, ça se passe que c'est quelque chose qui t'appartenait. D'une façon ou d'une autre, tu l'as perdu, tu es venu récupérer. Vous voyez, c'est autre chose. Donc le mariage, en ce temps-là, quand Christ même marchait sur laquelle l'église se trouvait en lui, n'est-ce pas, frère? Il l'a manifesté. Il faut qu'on tue son père, c'est trop pour qu'il puisse accepter l'église. C'est pas ça? Mais qui est le père de l'homme de l'église? En fait, remarquez même que Adam et Ève ont même père. Amen. Christ et l'église ont même père. C'est pas ça, frère? Ok, maintenant. Ça veut dire que l'église a fait la dot à Dieu? L'église a-t-elle été violée? Non. Non. dont le sang de Christ versé à la croix n'est pas la peau. C'est pour revêtir, nous parlons de vêtements, c'est pour revêtir son épouse. C'est pas la peau. D'accord? Oui, frère. En fait, j'ai compris parce que comme nous sommes tous chrétiens, ce problème ne se pose pas. Tu vois, la sœur, elle est d'accord, tout ça se passe parce que c'est dans la communauté. C'est lorsqu'on associe les païens. Il faut que le pasteur, le frère, le père, et s'assoit tout ça. Oui, oui. Mais il y a quelqu'un. Lorsqu'on va chez les païens, tu vas aller chercher quoi là? C'est vrai. C'est que tu as demandé de voir son pas aller chez les païens. C'est pour dire que c'est pourquoi je dis que j'ai bon, mais t'as rien pour ça. La femme qui rencontre le père croyant, son papa n'est pas croyant. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Parce qu'en fait, vous allez prendre le nouveau, le papa et son esprit sont croyants. Tout le monde n'est pas croyant. Vous pouvez être ici, vous êtes une fille, vous sortez d'une famille dont votre père et votre mère ne croient même pas ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Donnez-moi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est clair aussi. Parce que la vie des jeunes, c'est marié. La volonté de Dieu est claire. Elle doit se marier. Ça veut dire que toute proposition à ce mariage, Dieu a déjà dit que personne ne sait pas ce que Dieu a dit. Donc il n'y a pas de proposition pour le mariage. Frère, c'est là pour ça que même dans votre loi sur l'homme physique, on dit que personne ne peut faire objection du mariage si on n'a pas venu verser une partie ou bien une totalité. La totalité, c'est écrit dans la loi, n'est-ce pas? Alors, si la loi même dit que personne ne peut faire objection à un mariage, si on n'a pas versé une partie ou une totalité de la totalité, si la loi même dit ça, comment faisons la loi de Dieu? Ça veut dire que personne ne peut s'élever dans une célébration de la mairie où le maire dit qui peut s'opposer à ce mariage, il y a des conditions pour s'opposer au mariage. Si un mariage a été célébré sur le régime monogamique et qu'on a fait 100 ans dissous, on a fait de la savée, nous. Quelqu'un peut s'élever pour dire qu'il a été marié à moi. Là, on peut arrêter ce mariage parce qu'il y a un problème contre la loi. Maintenant, si un papa s'élève, on met la salle, moi, on dit c'est quoi? Il dit qu'il a versé à quelqu'un, il n'a pas versé à Oko. On va dire papa, t'es pas vrai? Parce qu'il n'a pas le droit par rapport à la loi. Alors, pas la loi. Alors, si la loi nous mène, vous réfléchissez, je vais être trois fois. Ça va dire quoi? Tout papa qui s'oppose, là, maintenant, il laisse le cas du mariage, parce que vous parlez, la chair doit être sucrée là-bas. Si vous-même, vous croyez, et que vous devez aller vous baptiser, vos parents vous disent, si vous baptisez, vous me réuniez là, vous faites quoi? C'est parti. Donc, vous opposez à lui. Et puis, c'est pour ça que le Nouveau Testament dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire que tant que le parent est sur la ligne droite du Seigneur, vous devez marcher. Mais s'il arrive que le parent sorte de droite de l'écriture, vous devez pousser à l'écriture, vous ne pouvez pas y aller. Vous voyez? Il n'est pas le baptême pour vous montrer, c'est une écriture de la Bible. Comme on a dit, la Bible est également, vous devez vous marier. Si vous savez que vous devez vous marier, personne ne doit vous opposer. C'est vrai qu'on peut s'opposer à votre baptême, mais au mariage, on ne doit pas s'opposer. Parce que Christ a interdit cela. Personne, parce que la Bible déclare dans Malachie 2:14 que le Seigneur de l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta joie à laquelle tu es infidèle. C'est l'Éternel qui est témoin, on n'a pas dit que t'es pas ton témoin. Vous comprenez? Donc le mariage s'est conçu et se signe devant le Seigneur. Le véritable acte de mariage se trouve en haut. En plus, c'est Dieu qui prononce et a prononcé les bénédictions sur le mariage. C'est donc lui, les deux qui se marient. Et donc, le Seigneur ne dit pas que personne ne sait pas ce que le maire a dit. Il ne dit pas que c'est personne ne sait pas ce que le gouverneur a joué, que toute personne ne sait pas ce que Dieu a joué. Vous devez vous poser la question à quel moment il est joué. La question doit être répondue. D'accord, frère? La Proverbe chapitre 20, le verset 25, la Bible déclare que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère l'engagement sacré et venir le toucher après avoir fait un vœu. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre, tout alliance qu'on fait sur la terre engage Dieu. Vous suivez, frère? Tout serment qu'on fait sur la terre, c'est ça que vous lisez votre Genèse, de pomme en pomme. Les pluies du serment. On a donné là-bas, là-bas est autour. Jacob ne peut pas avoir la pluie avec ses filles. Là-bas, voilà. On ne peut pas faire un serment avec une pierre. Que cette pierre soit le monde, comme tu parles pas là pour attaquer. Et Israël savait très bien que le serment est juste droit. Je vais dire que je prends la deuxième question de cette sœur-là. Le serment que les gens faisaient était la sœur qui craignait Dieu. Et païen, et non païen, et non païen, ils craignaient Dieu. Parce qu'ils savaient que si le serment, quand tu donnes ta parole, tu dois prendre pour toi. Même les rois païens le faisaient et obéissaient. Remarquez très bien pourquoi on peut attaquer des gens dans la France. Parce qu'un roi avait donné sa parole. Vous voyez cela? Regardez là, Jésus, dans le Nouveau Testament, c'est que le cas est après. Comme il a fait quelque chose, une désobéissance a été faite, la loi des maîtres des pères est irrévocable sur le tribunal. Donc ça ne change pas. Alors, quand vous faites cette chose, vous faites alliance devant Dieu, c'est parce qu'on a tellement été éloigné des choses de Dieu, des choses de l'esprit au beau. Une fille va dire à un garçon, oui, je t'accepte. Et même, il n'est jamais dit ça. Parce qu'on méprise les vœux et les serments qu'on sort de notre bouche.

Vous devez confronter votre expérience, votre expérience à la parole du Seigneur. Les expériences, c'est la parole qui va illuminer pour montrer que ton esprit est conforme à la Bible. Comment un homme peut venir et dire qu'il a vu Judas Iscariote dans le nom du Seigneur ou pas partir? Comment? Oui, mais papa existe là, il a eu l'ange Michael. Michael lui a monté le trône de gloire. Ce trône-là, c'est le trône de Dieu. Michael peut-il mentir? Le Saint-Esprit peut-il confondre l'enfer au paradis? En fait, il y a des trônes mieux avec le nom. Judas Iscariote se trouve au paradis. Que ce sont des mystères qu'on ne peut pas croire. Quand vous confrontez ça à la parole, vous comprenez que c'est salé avec les Écritures. Eh, mes frères, qui a la clé de la mort et du séjour du monde? Où se trouvent les démons? Où se trouvent les démons? J'ai ici maintenant, il cherche. Ciel. Il dit, j'ai pris ici, chacun demande la main, je me dis, son corps là sur le ciel. Nous savons qu'il y a, des démons sur la terre. Donc, finalement, je dis, répondez à la question, les démons se trouvent où il y a quelque part. Les démons se trouvent dans le monde astral. Dans le monde astral. Donc, ça veut dire que s'il y a des démons dans ton corps, c'est le monde astral. Sur la terre, sur la terre. Ok, maintenant, peut-être plus attention maintenant. Dans les choses. Dans les choses. Ok. Au-delà de cela, vous devez comprendre que en dehors du ciel de Dieu, tout le bas, jusqu'en bas, jusqu'au plus profond, on puisse y trouver. Parce que le ciel est en plusieurs plateaux. Vous savez au moins ça, n'est-ce pas? La Bible déclare par exemple que Satan, Lucifer est le prince de la puissance et l'air. N'est-ce pas? On dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Mais pourtant, nous avons sur la terre, dans la Bible, Satan qui est venu porter le Seigneur Jésus-Christ et le transporter sur une autre montagne. N'est-ce pas, mes frères? J'arrive quelque part. Si vous lisez le livre des Juges, le livre des Juges, le livre qui avant Apocalypse, et le livre des Deux, vous allez remarquer qu'il y a certains d'entre eux qui sont enchaînés dans les grands abîmes du ciel. Vous savez ça, frère? Dans les grands abîmes. Oui. C'est divisé en compartiments, comme vous avez les pays, les frontières. Là, on se concentre divisé. Je ne sais pas si j'en ai parlé aujourd'hui, mais en haut, c'est divisé. C'est pas vivi comme ça. C'est divisé. Il y a des compartiments des religieux en haut. Il y a des rues, il y a des églises. Église catholique de la Chapelle, les représentations de là, c'est tout là. Vous voyez sur la chaise, c'est tout là-bas. En bas, même chose. Dans les eaux, même chose. Alors, vous avez déjà vu dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 20, on dit que les monstres existaient. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer, on a fait des gens dans la mer. Comment la mer peut avoir les morts? Vous allez poser une question. Il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Le séjour des morts rendit les morts qui étaient en elle. Et tout sujet, d'après les œufs qui étaient écrits dans le livre. Qu'est-ce que les morts font dans l'eau? Vous avez vu ce qui s'en est dit, frère? Voilà, donc, il y a un monde là-bas. Il est monté sous la terre, parce que la Bible déclare que celui qui est monté, il est aussi descendu dans les régions inférieures, précises de la terre. Il est allé là-bas dans les régions inférieures, tu fais quoi, frère? Je suis au bord de prison. Voilà, il doit se dire qu'il y a des morts là-bas. Il y a d'autres dans le séjour des morts. Il y a d'autres dans l'eau, dans la mer. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Qui envoie dans le séjour des morts? Qui fait sortir? Bon, Satan se trouve où Lucifer? Maintenant, que dites-vous? Quelqu'un vient vers vous et dit que tout cela en enfer de lui, Satan a dû tourmenter les âmes là-bas. Comment vous riez? Ce sont des révélations. Vous êtes en quête de révélations, non? Ce sont des révélations que nous avons aujourd'hui. Dieu m'a envoyé en enfer. J'ai vu comment Satan tourmentait les âmes des gens là-bas. Il tourmentait jusqu'à. Donc, Satan a le double triplé de Jésus. D'accord? Attends, les troupes de pieds de Jésus, ils pensent pas qu'ils vont en enlever, tout le monde les gens, puis ils sont souvent, ils ne se promènent pas. Oui, tu le dis quoi? Il y a un côté comme ça, on dirait un témoignage, et il disait qu'il est en enfer, que tous ceux qui portent Dieu, ils vont aller en enfer, tout le monde peut porter Dieu. Même ceux qui jouent sur WhatsApp et Facebook. L'autre aussi, on dit, on a que Dieu a été en enfer, il a monté en enfer, ceux qui ne paient pas les dieux, les partenaires qui ne paient pas les dieux. Tu as aussi vu ça? En fait, il paraît qu'il y a une dame, qui a dit qu'elle a vu Mandela.

Ça c'est un pays, je vois un style de feu, ils doivent appeler à la réconciliation. Cette réconciliation consiste à mettre tout le monde au même de l'église, demander pardon les uns les autres, et demander maintenant qu'ils vont même construire ce pays dans la paix. Si vous êtes d'une tribu, ce n'est pas parce que nous n'avons pas au pouvoir que vous faites partie du pays. On est d'abord d'une même nation avant d'être des ethnies différentes. Nous avons convenu que la constitution règne sur nous, ensemble, c'est-à-dire que c'est la même loi qui nous régit. Ce n'est pas le langage qui change les gens. D'accord ? C'est le même territoire que vous êtes. Et Dieu a les relations. Alors, préparez-vous. C'est de quoi est-ce fait pour que les gens réfléchissent. Le Seigneur a signalé sa présence une fois. Signalé deux fois pour amener à la répentance. Les gens ne comprennent pas. Après, les gens disent encore le nom de Dieu d'avant pour aller blasphémer. Pour avoir de l'argent dans ces mêmes personnes sans le dire la vérité. Concernant la première, par rapport à plusieurs, en fait, Inondation. Vraiment, je suis un peu étonné. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un que je connais, qui est proche de moi, qui a eu une vision. Une vision, disant que lui, à Pidjan, sera inondé. Une vision. Et il y a eu des études qui ont été faites, où les scientifiques affirment que le grand bassin qui est là va disparaître. De toute façon, si les oracles ont été donnés chez vous, je ne donne pas les oracles des autres, je me suis tenu ici, je vous dis et vous dis ce que j'ai à dire. Sur mon pays, j'ai dit les choses depuis 2009, j'ai craint pour mon pays. Parce que ce sont deux pays jumeaux qui, et même je ne sais pas si ce n'est pas de l'autre côté là-bas, à quelques exceptions près. Mais là, le problème de l'enfantement là-bas, ce sera grave chez nous là-bas. Vous êtes habitués à ces difficultés. Il y a des gros vents chez moi qui ne comprennent même pas que si vous jeûnez 3 jours, ils ne vont pas pouvoir jeûner. Ça tremblait, n'est-ce pas? Ça tremblait ici, il y a un moment. Je crois que ça fait combien d'années? Oui, au courant. 2 ans. Oui, c'est sur le littoral. Ce qui n'est pas normal, n'est-ce pas? Les gens ne font pas. Les gens ne font pas. Donc, souvenez-vous de ce que j'ai dit. Je vais te donner ces choses. C'est sans commentaire. Je vous donne seulement la pensée du Seigneur, la direction. C'est s'il n'y a pas de questions, je suis dedans. Je vous donne la pensée du Seigneur. Quand ça arrive, ne dites pas que j'avais dit si, donc je vous donne la direction. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans un endroit où ça va vous atteindre, préparez-vous tout simplement. Dans un autre endroit, plus on va lui parler de l'Amérique. Il disait de l'Amérique, que ceux qui sont en Amérique, quittez l'Amérique, quittez l'Amérique, ceux qui sont en Amérique, parce que quelque chose de terrible va arriver. Vous voyez? Et là, il dit, ceci va arriver, vous n'avez que deux alternatives. Sans vous dire, pour que tu te préserves, que tu te préserves l'homme le juge. Ou bien vous quittez tout simplement. Les gens disent, ah, il y a la famille, il y a la famille. Le moment où on va arriver, je regarde les arrières, ils sont saturés au point où personne ne peut plus. Donc, pour vous, ils ne peuvent plus. Donc, maintenant, Abidjan, réveillez-vous. Demandons pardon à Dieu. Il y a beaucoup de sacrifices qui sont forts. J'arrive là-bas. Ceci, ce n'est pas arrêtable. Je vous informe seulement. D'accord, vous prenez les dispositions. Dans les apôtres chapitre 11, lorsque Abbas est venu annoncer la famille qui devait avoir lieu, il ne dit pas qu'il faut qu'on prie que la famille n'arrive pas. Ça va arriver, on se prépare. D'accord? Quand Dieu appelle la famille sur la terre, il dit, je dois te donner l'information. C'est quelque chose qui doit arriver. Mais le but de la famille, c'est pour avoir la correction, c'est pas. Ces choses, c'est fait pour annoncer quelque chose. Que Dieu a le vouloir pour l'université, pour avancer quelque chose. Pour montrer que toujours entrer en action au milieu des hommes, dans le peuple de Satan, qui va les critiquer. D'accord? Et il cherche comme ça le cœur à lui. Donc il faut qu'on se retourne à Dieu. Ce sont des esprits qu'on utilise sur la terre à l'école au nom de Dieu qui amène ces choses. D'accord, frère? Oui. En fin de compte, je n'ai pas pu. Il faut penser des dots que les noms ont dit imposent aux enfants de Dieu qui veulent marier à le Seigneur. Voilà. Je crois que c'est quelqu'un qui a compris pour résumer ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit, frère? Bon. Donc ça veut dire que chacun a compris sa position ici. Je vous ai donné l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui étant dans le temple, passé dans le temple, on lui a exilé quelque chose.

Vous entendez ces sons-ci. Mais j'entends ce qu'il dit avec que Alessandro Ouattara sera amené à l'urgence à l'hôpital. Il va être amené à l'hôpital. Dieu lui de faire attention à la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut appeler à faire de la réconciliation. Depuis que je suis son frère. J'ai dit quoi? Vous savez, là, quand je ne suis pas, j'entends. Pendant que Baba, c'est Baba, moi j'ai fait la Bible dans mon cœur. Pour dire, est-ce que c'est possible? Puis je trouve dans la Bible, un gars qui priait dans le ciel en priant dans la voie de l'évangile éternel au peuple de la terre, que les papiers vous plaignent en lui parler en les longs évangiles. Okay. Alors, un changement arrive, un jeune qui arrive au côté de celui qui se trouve un malin, un brisé, avec le langage qui est proche de la Bible, proche de la Bible, un discoureur. Il ne peut pas persévérer à sa destinée. Il ne peut pas persévérer à sa destinée. Il ne persévérera pas à sa destinée. Donc il tournera. Parce qu'il a le soutien logistique des militaires, ça ne marchera pas. Bon, laissez-le te dire. Bonsoir. Amen. Bien, bon, vraiment. Bon, je pense que. Les frères, sœurs, le baptême. Le baptême. Oui. Bon, maintenant c'est. Il y avait quand même quelques questions, mais bon, on va laisser comme ça, parce que les uns et les autres sont fatigués. Voilà, surtout qu'il y a des baptêmes à faire. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bien, donc on va prier. On va se lever pour prier au front de la réunion. Voilà. Et on va donner la parole au frère Lambert de front de la réunion par la prière. Si tu veux dans la si il doit prier, ben il va faire un instant. Je vais donner un petit témoignage. Vous savez, comme on l'a dit, le frère vient de le dire, aujourd'hui, nous avons vraiment la parole. Mais ce qui nous manque à cette parole, comme j'ai toujours dit, c'est la puissance de Dieu. C'est tout ce qui nous manque. Bon, j'ai tout dit ici. Je crois que sur Matthieu 26, j'ai même prêché ce message ici. Quand les gens arrivent dans le temps, quand ils sont de l'autre côté, nous avons dit que l'État est un homme prudent, le fidèle est prudent. Et qu'il avait le conseil selon lequel il va préparer le peuple à l'enlèvement. Donc, le conseil de Dieu dit là, c'est de lui qu'il faut emmagasiner pour être en ligne. Bon, il faut dire que ça va être en ligne. Mais après, maintenant, je voulais que ce soit faux. J'ai fait un compliment pour pouvoir promener cela. Pour que je dise que nous, en fait, dans Matthieu 27, nous essayons. D'abord de la langue et de l'huile. L'huile, d'abord la parole, la langue, c'est la parole. Mais l'huile, ce n'est pas une parole, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le baptême Saint-Esprit. Voilà. Sans le baptême Saint-Esprit, il est impossible d'être en l'huile. La différence entre les vieilles formes et les vieilles sages, c'est le baptême Saint-Esprit. Tout simplement. Donc quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême Saint-Esprit, c'est un aveu spirituel. Vous voyez, quand je fais ça, c'est un essai de le contredire. Un moment, j'avais fait ça avec un collaborateur, j'ai commencé à parler du Saint-Esprit. Il dit, frère, si tu fais venir le Saint-Esprit, ça va tuer des gens. On n'est pas encore prêt. Mais on sera prêt quand? Vous voyez, on sera prêt quand? Si tu vis une vie incorrecte, cela ne fait qu'on ne doit pas prêcher ce qui est juste. Voyez, donc, on a résisté, mais Dieu envoie quelqu'un de très loin pour récupérer le message. Alléluia. Donc c'est la vérité. Tout va bien. Et il a dit que il a encore quelque chose dit. On lui a dit que celui qui prend le pied de Côte d'Ivoire, c'est comme on appelle chansonnerie et puis fabrication. Je me souviens très bien. Dans les années peut-être 80, ça se fait, il y a eu un songe. Dans le songe, on lui a dit, l'église ne peut pas pouvoir casser d'adultère et de fornication. L'église ne peut pas dire ça d'adultère et de fornication. C'est pas comme ça, jusqu'à ce que la voix s'éteigne. Bon, peut-être qu'on n'avait pas trop compris. Le frère vient encore de réitérer. Ça, il y a des trucs pour tout. Moi, je crois. Allez-vous, regarde. Donc, ça peut dire quoi? Il faut, premièrement, renoncer à ça. Se sanctifier et être rempli de cet esprit. Sans cela, frère ne va pas bouger. Vous voyez? Il ne va pas bouger. Une fois, c'était à Pouvoir-Sud, que le Seigneur m'avait parlé du baptême de Saint-Esprit. J'ai commencé à prier un peu là. Bon, il s'est venu ici, j'ai parlé un peu de ça, mais là, comme ça, me prenait l'intention. Je suis parti. Je voulais même venir un jour organiser une réunion de ça. Comme j'ai vu que les gens n'étaient pas disposés, je suis parti. Mais je suis allé à Trabalier. Une église que, dans le temps que j'avais fondé, je suis allé, j'ai annoncé. Je n'ai pas eu de raison. J'ai dit, bon, on va prier pour le baptême de Saint-Esprit. Mais ce jour-là, les gens ont la différence. Parce que celui même qui dirigeait, ça fait 30 ans, il a conduit, il n'a jamais fait l'expérience, mais ce jour-là, il a fait l'expérience de la personne. Et il a tourné. Alléluia. Peut-être qu'il était ici, la mère est en train de. Et ce jour-là, d'autres personnes ont fait l'expérience de la personne. Pas le patron de cette vie, ce n'est pas un truc intellectuel, c'est du concret. C'est du concret, il faut vivre. Oui. Donc, je remercie que le frère est venu. Peut-être qu'avec la sienne du jeu de prière et les prières qui vont se faire, vous allez voir certaines manifestations. Alléluia. Et je crois que Dieu a commencé à réveiller à Côte d'Ivoire. Oui. Elle a commencé à réveiller à Côte d'Ivoire. Donc, même à Kanya. Quand je vais prier, j'ai commencé à ça, pour prier pour le baptême de Saint-Esprit. Il y a un frère qui s'appelle, allez, on a prié, il n'y a rien. Il se dit, mais est-ce que c'est ça? Mais je suis allé avec lui dans un autre village. J'ai dit, bon, je suis venu pour que aujourd'hui on prie pour le baptême de Saint-Esprit. Mais quand on a commencé à prier, on a fait 40 heures à jeûner. Parce que prier pour le baptême de Saint-Esprit, ce n'est pas les prières qu'on fait à 15 minutes. Non! Quand on a commencé à prier, à la quatrième heure, il a été saisi. C'est un petit sac comme ça. Le frère tombe, c'est un habit blanc. Il est tombé, il est dans la vie même, c'est sali. Quand il s'est levé, Dieu a commencé à lui poser des questions, il a commencé à préparer des gens dans la famille. Alléluia! Où voyez-vous? Quand la puissance de Dieu se manifeste, il y a la crainte de l'éternel qui est là. Parce que si tu étais à pêcher tout le système, le frère était il va dire, mais toi, tu vis ici comme ça, toi tu fais ça. Mais si on est à donner des enfants, tu n'as pas la crainte. Vous voyez. Donc c'est tout si fort à l'église. Ouais, mais, ce n'est pas dans les enseignements. C'est vrai, on se rassemble, on Jésus, on fait. Mais ça, ça nous avance. Seul le baptême de cet esprit peut faire avancer. Et quand vous cachez pas de nous, quelle est une grande différence. Une différence entre le chrétien que vous êtes et le chrétien que vous êtes aujourd'hui. Le chrétien et le chrétien que vous êtes aujourd'hui. Donc vraiment, je remercie le frère. Peut-être que si on a du mal de vous dire quelque chose, ce n'est pas trop grave. La Bible dit, si à quelque point vous n'êtes pas d'accord, restez ensemble, car le Saint-Esprit éclairera par la suite. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en place. Mais avec le temps, le Saint-Esprit nous éclaire. Priez, priez d'abord que le Saint-Esprit soit là et l'éclairage à la fin. C'est tout ce que je veux. Donc, c'est cette manière que je voulais vraiment rendre avant que le Christ se lever pour prier. Parce qu'un nouveau jour va se lever sur la place. Allez, amen. Alors, si vous faites, vous prenez, vous mettez, tout simplement, dans le besoin de prendre la tête de voir. Ils vont vous dire exactement ce qui s'est passé, elle est tactique. Et la parole est venue, est un moment de paix a été enregistré dimanche, dans la zone de Grand Laïe, située. Le texte est là. Et puis, bon, pour le moment, le flambeau le plus puissant en Côte d'Ivoire. Vous êtes progressivement, nous sommes dans un environnement sismique très chaud. Il y a eu une vraiment très autorisée, il y a eu une vision et qui a dit que vraiment il a vu, ce dont le frère vient de parler là. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une inondation, les gens. C'est pas une inondation, c'est une inondation historique, c'est terrible. Et la parole a continué à tout le comportement des gens. Voilà. Merci. Voilà. Je dis par exemple, une fois j'ai assisté à un film où Pierre et Paul parlaient. Parce que, on dit, Paul disait des choses difficiles que ceux qui ne comprennent pas Paul le sens de leur propre vie. Parce que Pierre reconnaissait que Paul est un messager de Dieu. Mais seulement, il dit des choses que eux-mêmes souvent ne comprennent pas. Mais néanmoins, ils n'ont pas contredit Paul. Il savait que c'était un envoyé de Dieu. Et bon, il l'acceptait. Et un jour, j'ai vu dans le film où Paul et Pierre discutaient. Il dit que non, la loi de Moïse, en tout cas, ça n'est plus valable pour nous. Pierre dit est-ce que nous parlons de Jésus donc, ils ont ce geste-là, mais finalement, ils ont attendu quelque part. Où allez-vous? Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Avec la conduite de Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui ont été discutées. Donc, à certains de vous, vous êtes à la présence de Saint-Esprit, et beaucoup de choses vont vous rapprocher. Tout le monde. Tout le monde, le monde, tout le monde. Notre Père Céleste, nous voulons vraiment te dire merci, parce que c'est toi qui conduis ton œuvre, ce n'est pas un homme. C'est pourquoi c'est à toi toute la gloire. Alors nous remercions vraiment pour le message qui a été apporté au Père Céleste, et nous te demandons, Père, de continuer l'œuvre que tu as commencé et de l'achever. Père, nous comptons vraiment sur le Seigneur de ta grâce. Maintenant, pendant que nous allons disperser, sois vraiment avec chacun de nous, et conduis-nous, et fortifie chacun de nous, pour que le Père, nous puissions encore nous ici autour de cette parole. Que l'on ait la gloire de revienne, c'est dans le précieux nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, information, je crois qu'il y a. Non, le mardi. Mais le mardi, c'est à 17h. Hein? 16h, non. Voilà, à partir de 16h. Dans le jour matin. Hein? Voilà. Pour que ceux qui vont au travail, dans 16h jusqu'à 20h, voilà, on peut les faire. Voilà. Maintenant, le baptême, je pense qu'on va faire ça maintenant. Non, mais combien ça sont pour ceux qui vont. C'est à quoi bien? C'est quoi? C'est ça. N'oubliez pas vos portables là. C'est les femmes. Hier vous avez laissé les pailles ici. Ah, je vais pas vous faire. Les portables. Les femmes par ici, je peux parler de la vie. Si vous voulez, souvenez mon frère bien-aimé, j'aurai le temps de causer avec chacun de vous, un à un. Donc j'aurai le temps, on aura à causer. Peut-être même mardi, il va m'asseoir pour causer avec chacun de vous. On va pas juste se voir comme ça en éclair et gérant. On va causer. Donc je vais à causer avec chacun de vous. On va voir des choses, s'il faut dire des choses spécifiques pour vous-même. On va voir par la grâce du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est ça. Mardi. Si tu viens pas, tu es Amen. Que c'est devenu mon frère. Ah vrai. Que c'est devenu mon frère. Ok, frère. Chérie, qui faut que prendre le lait. Oui. Il faut que vous prendre le lait là. Ouf. Ah mon frère. Ouais. Tira. Non, pas dans le cas, c'est moi qui baptise. Ah, il était dit non. Ok. Non, c'est. Sekira, Kibu, Elemona, Sekira.